Bonjour tout le monde, je suis Guillaume, votre DM pour la soirée. Moi c'est Alex, je vais être un des joueurs, je suis un magicien. Mon nom de personnage c'est Eramin Rask de Finlande et je suis un hobbit et j'ai aussi une petite chouette qui s'appelle Mitzi. Salut, moi c'est Miguel, je suis Etsuko Seiken, je suis un japonais elfe cléric en réalité. Michael, mon nom est Fernandir Black. Alias Fern, et je suis un demi-elfe roublard. Black, c'est pas Oz ton nom? Tu dis Black? Ouais. Oz, je mélange avec un de mes anciens personnages. Ah, ok. Ok, donc, bienvenue chers joueurs. On va commencer par expliquer ce que vous savez déjà, le monde. Donc, notre quête se déroule sur la Terre, mais comme dans une réalité alternative un peu. C'est un endroit qui ressemble beaucoup au nôtre, sauf que le monde médiéval aurait évolué d'une façon différente du nôtre. Donc, il y a plus de technologie, mais pas aussi avancée que la nôtre. Il y a encore beaucoup de magie à travers le monde. On peut y trouver des machines assez poussées dans certaines régions du monde. À d'autres endroits, c'est encore le Moyen-Âge et c'est très pauvre et les gens y vivent simplement. Pas nécessairement dans la violence, mais les gens y vivent comme des paysans. Sur des fermes sans trop de technologie, sans trop de magie. Les classes sociales sont parfois très cintrées et la grosse moyenne est généralement dans les grandes villes. La classe moyenne est généralement dans les grandes villes. Par exemple, ces gens seraient considérés comme riches dans les contrées plus pauvres. Comment ça se passe sur la Terre, dans le pays de la Nouvelle-Europe? Les villes dans ce monde-là ont toutes le même nom que dans notre monde, sauf que les villes n'ont pas évolué de la même façon que dans notre dimension. Par exemple, tous les pays de l'Europe sont fusionnés pour ne former qu'un seul pays qui s'appelle la Nouvelle-Europe. Les anciens pays sont devenus des contrées, comme la contrée de l'Espagne avec sa ville de Madrid. La capitale de la Nouvelle-Europe est la contrée de la France et ce n'est plus seulement une ville. Depuis la fusion, la Nouvelle-France est considérée comme la puissance de la Terre au point de vue technologie et magie. Un autre gros pays, c'est la Chindia, une fusion de la Chine et de l'Inde qui est la deuxième plus grande force mondiale. L'Australie est une île un peu oubliée, très sauvage, où il y a beaucoup d'animaux bizarres et où ils disent qu'il y a une grande source de magie pure qui y provient. Leur plus grande ressource est cette magie nommée Arcalia, qu'ils exportent à travers le monde. C'est comme ça qu'ils font leur profit pour subvenir à leurs besoins. L'Afrique était pauvre et très pauvre, et puis elle essaie de survivre du mieux qu'elle peut. Mais à certains endroits, c'est extrêmement riche, comme Madagascar, l'Afrique du Sud ou l'Égypte. Les autres pays sont de grands espaces où la chasse d'animaux mythiques ou réguliers, décidément, ce que vous préférez, c'est-à-dire des lions ou des éléphants, whatever. Il est très apprécié et recommandé. Le Japon faisait partie de la Chindia auparavant, mais après un vote de très grande majorité, se sont séparés du reste de la Chindia. Ils ne croient pas à la magie, ils se tournent exclusivement vers la technologie. Pour ce qui est des Amériques, après une guerre intensive entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y a de cela une centaine d'années, ils se sont ravagés l'un l'autre au point que personne du reste du monde n'ose s'y aventurer. Personne n'entre en communication avec eux et ne cherche à savoir ce qui s'y passe. Ils sont fermés du reste du monde, les gens là-bas sont perçus comme des monstres et des sauvages que personne ne veut côtoyer. Les relations entre les pays, excepté avec les Amériques, sont généralement bonnes et sans trop d'embûches. Les plus grosses tensions sont entre la Nouvelle-Europe et la Chindia qui essaient de tirer un peu plus la couverture de leur côté lors de négociations ou lorsqu'il y a des sommets internationaux à chaque 2 ans. Les Amériques n'y sont pas invitées, bien entendu. Ces soi-disant tensions ne sont rien de bien dangereuses, seulement des arguments politiques habituels. Les pays sont tranquilles et voguent à leurs affaires et le commerce entre les pays se déroule habituellement sans anicroche. Donc, ce qui nous amène à notre événement perturbateur, il y a un mois de ça, deux gigantesques portails ont ouvert à Cologne, en Allemagne. Un dans le ciel, un sur le sol. Celui du ciel est fait à partir de magie bleue et blanche. Et celui sur le sol est à partir de magie rouge et noire. Tout de suite après la création de ces portails-là, l'armée des enfers a commencé à sortir, donc des démons un peu partout, et l'armée des anges au ciel qui viennent descendre pour combattre les démons. Donc la ville de Cologne est devenue un champ de bataille pour, entre le bien et le mal, et la destruction était extrême. La ville était détruite, les gens étaient tués, les pauvres paysans ou les pauvres civils qui se tenaient là sont en plein milieu de la guerre. Le roi Mathias Sidam II a envoyé des guerriers et son armée pour essayer de calmer les choses, et ça n'a rien donné parce qu'ils ont tous été tués. Mais... Et donc, ils ont perdu beaucoup de héros et de guerriers pendant ces deux premières semaines de guerre. Voyant qu'il n'y avait aucune chance d'arrêter les démons et les anges, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer un genre de dôme gigantesque autour de la ville et des deux portails pour laisser les gens se battre à l'intérieur. Ce qui est arrivé, par exemple, c'est qu'il y a des civils qui ont été enfermés dans ce dôme-là en même temps. Et la guerre ne semble pas se terminer parce que à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a un nouvel ange, mettons, qui descend. À chaque fois qu'il y a un nouveau démon qui meurt, il y a un ange qui ressort de son trou. Donc, c'est cela. Fait que là, maintenant, où est-ce qu'on est? Où est-ce que vous êtes, chers joueurs? Vous êtes dans l'enceinte du château du roi Mathias Sidam II. Il a fait venir tous les guerriers puis les héros qui restaient. Il a fait un appel général dans tout son pays, la nouvelle Europe, pour essayer de trouver un moyen d'arrêter cette guerre et de fermer les portails. Donc, c'est ça. En ce moment, vous êtes dans l'enceinte avec vous, que vous, évidemment, vous ne connaissez pas. Autour de vous, il y a des dizaines et des dizaines d'autres guerriers et de héros qui viennent un peu partout à travers la Nouvelle-Europe. Donc, pendant que la commotion dans l'enceinte, où tout le monde se jase entre eux, ils se disent bonjour, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Moi, je lis. Ouais. Jusqu'à éventuellement, vous voyez sur le balcon en haut de l'enceinte, le roi arriver avec ses trois des conseils des sages pour prendre la parole. Ce que vous connaissez du roi Mathias Sidam II, c'est un descendant du roi Midas. Sidam à l'envers donne Midas. Donc, sur son armure dorée, il y a un signe de main pour le pouvoir de Midas quand il était de ses descendants. Il est riche. Oui, il est riche, évidemment. Mais il n'a pas le pouvoir de Midas, c'est juste un enseigne de sa famille de Midas. C'est un... Pour bien le décrire, c'est un... Il ressemble à Thor, simplement, dans les films de Marvel. Donc, il est assez jeune, début trentaine. Depuis le décès de son père il y a quelques années, il est devenu roi. Reconnu comme un coureur de jupons dans sa jeunesse, il a dû se calmer un peu pour prendre les responsabilités et est assez bon pour y arriver. Il est bien entouré par un conseil de sages pour l'aider dans ses tâches. Il a de longs cheveux blonds et des yeux bleus et une barbe à la Thor. Bref, il ressemble beaucoup à Thor. Plus jeune, son père l'a envoyé étudier en Chindia pour étudier les arts martiaux et a appris la plupart des arts martiaux existants, faisant de lui un très bon fighter. Il a une bonne carrure et les femmes adoraient être sa reine. Le bien-être de son pays et de ses gens qui y vivent lui tient à cœur. Il a un bon sens de l'humour à travers tout ça, mais sait quand il doit être sérieux. C'est un roi aimé et très charismatique pour ses sujets. Sur son armure, il y a un signe comme si c'était une trace de main dorée. Sa famille est descendante du roi Midas. En ce moment, ce que vous voyez avec lui, c'est l'elfe cléric conseiller Francisque, hein, Bellefleur. Vous voyez avec lui aussi le chevalier d'argent qui se tient tout le temps à côté de lui. Vous voyez Médéric Gesh, qui est un Dragonborn Wizard. Et vous voyez Brie Desjardins, qui est une petite Halfling Bard. La conseillère des sages qui n'est pas là en ce moment, c'est Reine Corentine Sidam. Mais on voit la Halfling, là, il n'y a pas comme une barrière. Il y a une petite barrière, mais mettons qu'elle a sauté sur le bord parce que... On voit juste une tête. Ouais, vous voyez juste... Parce qu'elle a une grosse chevelure bouclée. Donc, vous voyez peut-être son top de cheveux. Elle est célibataire. Oui. Yeah! C'est vrai, toi, t'es un halfling, c'est vrai. Peut-être qu'il faut pouvoir t'essayer sur elle. Et quoi tu dis? C'est Halfling Bard. Le cléric qui est du genre? Le cléric. ouais. Il y a 231 ans. Ah, trop vieux pour moi. Ok, je vais vous dire un peu ce que vous connaissez sur les conseillers de roi et sur le chevalier d'argent. Donc, conseiller Francisca Bellefleur. Francisca Bellefleur est aussi appelé Frank. Le grand chef du conseil du roi Midas. En tant qu'elfe, il a environ 231 ans. Adulte pour sa race, mais pas encore trop âgé pour être considéré un vieillard. Il a été aux côtés du roi de la Nouvelle-France depuis plusieurs générations. Il était présent lorsque les contrées se sont fusionnées pour ne former qu'un seul pays. Il a de longs cheveux blancs et des yeux verts comme tous les Wood Elves de sa race. C'est un cléric extrêmement puissant qui serait dangereux de s'y frotter. Il semble toujours être très sérieux et semble quelquefois un peu condescendant comme les elfes en général. Parce qu'il est tellement vieux, qu'il en a tellement vu, qu'il est comme moche. Il est un peu... il pense qu'il en sait un peu plus que les autres. Chevalier d'argent. C'est un chevalier extrêmement stoïque. Il ne parle pas. Il suit le roi Mathias partout. Comme son âme. Apparemment, il a étudié avec lui quand il est allé en Shindia pendant des années. Et c'est un paladin humain. Bon, on n'a jamais vu son visage parce qu'il est toujours habillé avec son armure de chevalier. Et, juste une petite femme, là. Ouais. Comme un toaster, dans le fond. Exactement. Vous pouvez toujours essayer d'y parler, mais je pense pas qu'il va répondre. Dans sa face. Hey, check ça! Ouais! Ouais! Je suis content que ça soit enregistré. Ouais. Ok, Médéric Gesh, Dragonborn. Ça, c'est un genre de. Un dragon humanoïde. Avec Francisca, il fait partie du conseil des sages qui aide le roi Mathias dans son règne. Il est dans cette position depuis le père de Mathias. Il était assez âgé pour un Dragonborn, dans les alentours de 60 ans. Ah oui. Ouais, parce que ça vit à peu près 80 ans, Dragonborn. Ah ouais, petit. Sa magie est très puissante et en général axée sur le feu. Le père de Mathias lui a demandé de se joindre à son entourage parce qu'il voulait un avis différent du sien. Et les Dragonborn sont reconnus pour prendre des positions étranges dans les conflits. Médéric joue souvent l'avocat du diable dans les conflits, faisant comprendre le point de vue opposé pour aider son roi à prendre de meilleures décisions. Au début, les sujets de la Nouvelle-Europe étaient sceptiques sur sa venue dans le conseil des sages. Mais après toutes ces années, les préjugés contre sa race semblent avoir diminué et est maintenant un membre respecté comme tous les autres membres du conseil. Un espion! Il est très grand et commence à avoir le dos un peu courbé avec l'âge. Il se promène avec un sceptre qu'il utilise comme canne. Et finalement, Brie Desjardins, la halfling. Looking good. Avec Francisca et Médéric, Brie fait partie du conseil des sages. Elle est toujours souriante et de bonne humeur et toujours en train de fredonner quelque chose. Toujours positive et sage dans ses conseils grâce à sa centaine d'années. Malgré son âge, elle a toujours l'air jeune avec ses cheveux bruns frisés qui ressemblent presque à un afro. Elle porte toujours de jolis accoutrements colorés de rose, sa couleur préférée. Elle est avec la famille royale depuis 3 générations et a vu grandir Mathias. Puis elle considère Mathias comme son petit-fils. C'est ça. Donc, ça c'est ce que vous connaissez des personnages qui viennent d'apparaître sur le balcon. Donc Mathias s'avance devant ses sujets. Moi, je suis pas sûr d'entendre comme il faut, fait que j'envoie ma chouette. Ok. Fait qu'à votre apportée, ce qu'il dit. Non, fait qu'elle n'a pas vraiment communiqué télépathiquement avec moi encore, je pense. Fait que... Tu peux-tu parler avec elle? Il me semble que là, non. C'est plus, je pense, au niveau plus loin, de pouvoir parler, communiquer avec elle. Il y a un mais on partage déjà des affaires dans le sens que si elle, se fait attaquer, je vais sentir que je suis connecté avec elle. Ah, okay. C'est comme une partie de moi, mais pour l'instant, au niveau que je suis, notre lien n'est pas suffisamment développé pour qu'elle puisse me rapporter tout ça. Mais si elle dit « Ah oui, ça fait du bien », je vais sentir « Ah oui, ça fait du bien ». Ah, ok. C'est... Si elle sent danger, « Oh, je me sens, je vais la sentir en danger. » Ouh là là. Mathias prend la parole. Chers sujets, chers guerriers et héros, c'est un moment difficile que nous vivons. La guerre du bien et du mal se passe sur les terres de notre pays, dans la ville de Cologne. dans la contrée de l'Allemagne pour être exact. La dévastation est extrême et cela me rend extrêmement triste pour nos citoyens. Nous avons certainement un parent ou un ami prisonnier du dôme de protection qui mérite d'être secouru. C'est pour ça que je fais appel à votre courage, brave héros de notre pays. Vous avez certainement entendu de les nombreuses pertes que nous avons subies à essayer d'arrêter cette guerre légendaire. Ah oui, gros poche. Mon armée et beaucoup de nos héros légendaires ont bravement perdu la vie à essayer de s'interposer entre les deux camps. Nous allons donc opter pour une autre option. Conseiller Francisque Bellefleur vous fera part de ce qu'il a découvert et de notre plan. Chers héros et guerriers, je tiens à commencer en vous remerciant de votre dévouement pour votre pays et pour vos concitoyens. Après beaucoup de recherches dans les livres et avec les plus grands clercs de la Nouvelle Europe, nous avons découvert que les deux portails ne sont en fait qu'un seul portail. Quoi? Pour soutenir un portail d'une telle énergie qui déchire la réalité entre les dimensions, il faut une immense source de pouvoir. Nous avons découvert les 6 points d'ancrage qu'il faut absolument détruire. Malheureusement, ces points sont gardés par de très puissants systèmes de sécurité magique. Et de ce que j'entends de nos éclaireurs, certains démons et anges sont aussi à leur recherche. Nous vous avons donc invité ici pour voir qui d'entre vous peut passer le test de la tour de la porte. Ceux qui réussiront à passer le test partiront à la recherche de ces points pour les détruire. Nous allons commencer par l'entraînement. Là, on s'entraîne? Ouais. Donc, pour savoir si les gens... Ben, en fait... Ce qui arrive en ce moment, c'est que là, il y a des gardes qui se promènent à travers les millions de personnes qui sont dans l'enceinte. Puis, ils vous disent de faire la file devant les tables qui sont ici. Non, on va s'inscrire. Je suis premier. Exactement. Moi, je suis dernier. Je dis, comment ça qu'il y a des démons et des anges qui essaient de trouver le portail? Ils sont pas poignés dans le dôme? C'est louche. Ça va plus tard. Alors, c'est louche. T'es en guise sous roche. Moi, clairement, ce fromage-là... Ah non, c'est lui, le fromage? Ce fromage-là, clairement, c'est un espion. Lequel, le fromage? Tu parles du Dragonborn? Non, il parle d'Arfé. Brie, là. Ah, c'est Arfé. Ah, je m'ai... De qui? Brie des Jardins. Ah, oh, la fling, OK. OK. Donc, là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'ils vous font signer des papiers. Hey, attends un peu là, je vais faire un jet de je vais savoir de c'est quoi de déduction, je vais voir s'il n'y a pas de quoi qui hein. C'est quoi le decipher script, qu'est-ce que je fais là? Oui, en effet, qu'est-ce que tu fais en soi? Non, mais j'ai le papier, je veux savoir si c'est pas une magouille, genre ton nom. C'est vrai, toi tu lis, c'est vrai. Hey, là, moi je lis en masse là. Fait que c'est quoi je fais là? J'ai on fait qu'Alex est le premier en avant. Ouais. Non, moi je suis le dernier. Non, t'es le premier à faire. Ouais, je suis le dernier. Alors, ils passent tout, eux autres, ils vont dans l'arbre mondial, c'est pas grave. Moi je les connais pas eux autres là. Fait que là, je vais attendre. Moi je passe en dernier. Je suis pas pressé là, moi je suis dans le fil puis je lis mes livres là. Mais tu lances pas tes études là-bas. Non, j'attends qu'eux autres qui aient à faire. Là, tu m'as dit s'ils ont passé sans. Oui. Donc là, tout le monde a signé ses papiers là. Ok, moi avant de signer, je veux lire. Ok. Est-ce que je. C'est quoi, je fais un jet de... Le spot? Ben non, spot c'est pour trouver des choses, non? Ben c'est ça, j'essaie de trouver de quoi dans le document. Ou ça peut être un decipher script? Ben vous avez decipher script. Ok, decipher script. Fait que je tape plus 8. 12. Ben, en fait... Je découvre-tu de quoi? Tu découvres absolument rien, parce qu'il y a absolument rien de caché dans les papiers. C'est signal, pour savoir ton nom, de où est-ce que tu viens, quel âge que t'as. Ok, ça va. C'est juste pour un recensement. Ok, moi je mets pas les vraies affaires. Je connais pas. Ah, pourquoi t'es là-bas? Ouais, c'est. Ben, je suis là, j'ai une minute, je me méfie là. Ok. Ben, t'as le droit, les autres ils me poseront pas de questions. Ok, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ben, c'est ça, ça va faire quoi? Ils vont savoir comment que je suis meilleur que les autres dans ce moment-là. C'est vrai. Ok. En tout cas. Pendant qu'on fait la file, je peux te suivre comme me promener à travers les gens puis voir des trucs. Quoi? Ah, c'est ça. Ok. petit peu, mais ce que tu vois alentour de toi en ce moment, c'est un gros barbare ou genre un petit halfling paladin. Puis tu vois aussi une autre roublard à côté de toi. Donc, choisis ta cible. Choisis ta cible. On va dire que je suis en train de parler avec... Je les vole pas, mais je suis en train de parler avec l'autre blanc. Ok. Bien le bonjour. Ok, il a parlé. Hein? Ouais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes ici pour les trésors ou la fortune et la gloire? Je suis ici pour une raison beaucoup plus sombre. Oh. J'ai ma famille à sauver. Moi, je suis là pour la fortune et la gloire. Apparemment, si on réussit à détruire les portails, le roi va me donner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est une rumeur. C'est pas sûr encore. J'avoue que ta cause est un petit peu plus noble que la mienne. Mais si jamais t'as besoin d'une aide, quelqu'un pour aider à voler, c'est cool. Fait que, donc, ce qui arrive en ce moment, c'est que là, il apporte tous les noms au conseil des sages en haut. Moi j'ai mis mon nom, c'était Bob. C'est-tu un nom de famille, Bob? C'est Bob des îles. Oh my god. D'accord. J'ai dit que j'étais un barbare. Oh my god. Bob des îles. Un magicien, c'est un barbare. Vraiment, là. En tout cas. Ce qui arrive, c'est qu'il pige deux noms. Après ça, il manque. Non. On va donner un exemple. Le premier, c'est, mettons, Christine de la Rivière contre Akira Toriyama. Akira Toriyama. Donc, les deux guerriers s'approchent et les gardes leur expliquent que c'est un combat amical. Il faut savoir leur force et leur faiblesse entre les deux. Donc, c'est cela. Donc, les deux commencent à se battre. Ils utilisent leurs armes et leurs trucs. Ils n'ont pas le droit de tuer. Mais... On voit-tu ça, nous? Oui, vous voyez ça, c'est dans le milieu de la plaine. Vous voyez le combat. Finalement, c'est Akira Toriyama qui gagne. Il a fait un Kamehameha. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. À travers, là, il y a plusieurs, tout le monde passe et tout ça. Éventuellement, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Es-tu tout qui commence? Et tout court! Tu vas te battre contre un elf, un high elf. Oh! Email. Un maras. High elf, that's it? Je me situe. Elle s'appelle Altaciel Sasek. Oh, Altaciel Sasek. Ouais. C'est une. IL Fighter. Oh, tu vas faire péter la gueule! Non, je suis plus fort. Donc, prends le D20. Roll initiative. Pour savoir c'est qui commence à se battre. Ouais. Okay. 6. Y a-tu un plus, quelque chose? Faut que tu aies un coup initial. Je pense pas, de toute façon, tu t'es eu avec ça. T'es à ouais. Non, c'est la première page. Plus 2. Ah, initiative modifier de 0. On n'a pas fait ça. Donc c'est Altaciel qui commence. Bon, ben je meurs là. C'est un plaisir. Je laisse. Non, c'est un combat amical. Ouais. Donc. Elle va essayer de te frapper. Là, je crois que je lance un D20 pour à savoir, hein, Alex. Ouais. À savoir quoi? Oh boy. Ok. Je te touche pas. Je suis sûr et certain que t'as plus que 3. Fait que là, ce qu'elle fait. As-tu un? J'ai 3. Elle a pas des plus, ça? Hein? Mais je pense que c'est haut. Son base attack va être au moins plus 5. Et sa force va être quand même assez haut qu'elle a un autre plus 5. Fait qu'elle a un autre plus 5. Attends, c'est. Faut que je prenne strength puis le dextérité? Ou c'est juste l'initiative? Non, mais là, l'initiative, c'est fait. On sait qui se bat en premier. Mais là, t'as fait, donc t'as lancé le dé, tu rajoutes le base attack bonus, là. Dépendamment c'est pas son arme. Si tu regardes le attack bonus, tu vas avoir un attack bonus de plus quelque chose, là. Je sais pas c'est quoi là. Avec l'arme qu'elle attaque, elle court, fait. un range weapon attack. Ah, l'attaque de loin? Non, elle a un rapier. Elle prend un rapier. Ok. Ok, fait ben, allez, c'est son. C'est un plus 5. Plus 5? To hit. Ben, même là, t'as les 3 t'as dessus. Lui, t'as quoi ton AC, c'est combien? AC, il est bien, ça. AC, il était. C'est quoi ici que tu fais? 10. Ah non, plus que ça. Touch, AC? Ah non, pas touch. AC, là. En 16. Ah bon, ben. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son rapier, puis elle essaie de le pogner, puis tu le dévites. Parce que j'ai 16, j'ai plus que ça. J'ai plus que ce qu'elle m'attaque. Ouais. Ok. Fait que là, c'est à ton tour. C'est à mon tour de l'attaquer. Ouais, fait que t'attaques avec quoi? Mais là, ils sont collés, là. Ouais. En fond, toi, t'es où, là? Toi, t'es, c'est toi? On va prendre le roi, mettons. Et là, vous battez. Bah, tiens, je pense ça. Mais pourquoi m'attaquer avec son rapier? Mm-hmm. Je vais l'attaquer avec ma long sword. Oui. Qui est un des 8. Mais il faut que tu saches, non, c'est le base attack. Il faut qu'il fasse. C'est. Pour ceux qui écoutent le podcast, on apprend à jouer en même temps que jouer. J'ai un D8, c'est tout. T'as un D20, comme tout le monde. Faut savoir si tu touches. Faut que tu saches si tu touches en premier. Tu sens ton D20. Là, je sais pas c'est quoi son AC. T'as 0. Fait que t'as 12. Fait qu'est-ce qu'elle a 12 de AC. Y a-tu plus? Non, il y a 0. C'est pas un fighter, c'est un. En fait, tu prends ta long sword, puis décris-moi comment tu manques ta shot. Après, je te touche pas. Fait que je prends ma long sword, je prends vraiment un gros élan. Puis je suis tellement pas habitué de porter encore cette épée-là que et l'autre, puis ben, je tombe dehors. Oh! Triste, hein? Elle allait vite, elle fait comme. What the fuck? Exact. Elle se pense vraiment bonne. Ouais, elle est vraiment bonne, elle est comme. Wow! Je suis pas vraiment impressionné, là. Pas vraiment impressionné. Fait qu'elle va essayer. Oh! Elle a un 16. 16 plus 5, 21, elle touche. 21, je te touche. Ah, c'est juste mon AC, ça. Qui décide que ça me touche ou non. Ouais, parce que c'était 16, je viens de t'attaquer de 21. Fait que, ben, c'est 21 pour réussir à attaquer. Là, je vais t'attaquer avec mon rapier. Ok, fait que tu réussis à m'attaquer. C'est 1d8 plus 3. Je pense. Peut-être point de vie, là. 10. S'il y a 8, ou 7, c'est fini. On me laisse un combat amical. Non, tu sais pas, mais. 5. 8. Je m'attaque à 8, il me reste 2 de vie. Est-ce qu'il faut que je la marque? Ouais. Fait que je peux juste barrer, ouais. Donc j'efface à chaque fois. Ben, barre-les, puis mets-les en dessous. Et la place. Ouais. Il me reste 2 de vie. Ah, oh, c'est un pic. Fait que là, de base, ça rentre dans ton armure, puis elle touche en dessous. Ouch! J'ai un peu de sang qui coule, là. Je suis blessé. Mm-hmm. C'est amical, mais il y a une limite à l'amicalité. Mm-hmm. C'est à ton tour. Fait que je lance mon D20 pour si j'y touche ou non. Ouais, c'est ça. Oh, 19? 19. Hey, je pense que t'as un critical. Ça, regardons critical. 19, 20, c'est fois 2. T'as un critical. Hey, il touche-tu, j'imagine, à 19, il touche? Oui, il touche. J'espère bien. Carré. Ok, ouais. C'est ça qui décide si je fais un critical ou non. Ouais, fait que là, touche. Un critical, ça veut dire que c'est fois 2. Là, je lance mon D8 puis c'est fois 2. Ouais. Ouais. D8, c'est celle-là. Ben, en fait, normalement, ben, je sais pas, demande à Guillaume, mais. Dans le livre, ce que tu suggères de faire, c'est lancer deux fois. Lancer deux fois. Le dé ou tu me. Ouais. Mais ben, en fait, c'est surtout quand tu as des modifiers. Parce que tu. Mais. C'est ça. Bon, on va faire un fois deux. Ça va être juste un. Un, c'est plat. C'est ça. Fait que. Je lance, puis c'est le fois deux. Fait que là, je suis tellement fâché, puis j'ai honte d'avoir tombé par terre, d'avoir manqué mon premier coup. Je me relève debout, je prends encore une fois mon élan, puis je l'attaque, puis je touche de vite. 4 fois 2. C'est pas autant de bonheur. Elle recule comme ça à cause de l'effet recoil, pis comme oh shit! Ok! What the fuck! Pis elle est pas morte, mais elle est pas loin. Ah, tu t'attendais pas à ça? Là, elle se fâche, là, parce qu'elle dit c'est pas vrai que je vais perdre devant mon roi. Fait qu'elle se déshabille. Par rapport à un petit priest de crotte. C'est vrai que c'était un priest. Ah, c'est vrai de. Ben ça doit paraître. Ben je t'ai fait ça doit paraître. J'ai 12 plus 5, ça fait 17. Tu me touches. Je te touche. Non, un de moins qui me touchait pas. Non, en fait, tu touchais, c'était égal, tu touches. Ah, ok. Fait que tu me tues dans tous les cas, Guillaume, ça fait plus 3. J'ai 1 plus 3, 4. Ça, je meurs. Elle est tellement fâchée qu'elle arrive avec son rapper, puis là, elle fait. Puis là, juste avant de te toucher, le roi, il dit ok, c'est beau! Mm-hmm. Elle arrête, elle. Elle fait. Elle arrête, puis là, elle se replace, fait comme. L'épée dans le vagin. J'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur, puis je suis content que le roi ait mis fin au combat dessus. Est-ce que je regagne mes points de vie? Oui, oui. Quoi? Comme ça, comme de même. C'est juste amical, là. C'est juste pour pratiquer les combats. Ouais, j'ai pas la tête, mais ça j'ai fainqué tantôt quand même. Ouais, okay. Je voulais la laisser gagner, voir de quoi elle était capable. Eh bien, cher guerrier héros, bravo, c'était un. Très intéressant. Je pense que c'est une amende, mais c'est intéressant. Tu penses que tu seras pas pris? Tu penses que je serais pas pris, mon verre, c'est pas toi qui décides. Ben je sais, mais t'as perdu clairement le combat. Là. Ben c'est comment que ça marche l'engagement. Si tu perds le combat. Ils ont pas voir. Ok. Donc là c'est entre. Je vais prendre un D4. Donc 5, 1, 6. 2, 3, 4. 3! Wow. C'est au tour à Fernandir d'aller combattre. Donc, Fernandir, donne-moi un chiffre de 1 à 4. Whatever. 358. Non, non, mais. Un chiffre de 1 à, mettons, 10. 7. Ok. Quelqu'un cube. Donc. Moi, lui, il se bat pas, il va essayer de le creuser. Tu vas te battre contre un gnome qui s'appelle Rani the Green. C'est un mâle. Il est clairement dans la queen. C'est un. C'est un autre fighter. Mais voyons, c'est juste ça qui est là. C'est quoi cette affaire là? Ça tombe au hasard, qu'est-ce que tu veux dire? C'est sur hasard. Donc, ouais. Donc, Rani est comme. I'm gonna kill you! C'est le bonhomme vert encore. Ou c'est green. Oh, on va le garder vert. I don't know your name, but I'm gonna kill you! Ah, il parle anglais? Ouais, il vient de Londres. Ils sont venus me demander est-ce que je comprends l'anglais. Mais common, c'est common, fait que techniquement oui. Ok. ça ressemble à quoi l'aréna où est-ce qu'on se bat? En fait, c'est l'enceinte est gigantesque. C'est comme un peu comme le Parthéon. C'est comme le Parthéon, c'est comme t'es dans le milieu en bas ici, c'est très très grand. Puis en ce moment, c'est comme les fight clubs. Fait que tous les guerriers puis les héros sont autour, debout autour de vous autres en train de. Ouais. Puis vous autres, vous êtes dans le milieu en train de vous battre. Il n'y a pas vraiment d'organisation par rapport à ça. Disons qu'ils ont fait ça rapidement puis ils n'ont pas eu le temps d'organiser puis, ça. Puis c'est vide, il n'y a pas d'objets qui traînent nulle part. Il y a du sable à terre. Ah, peut-être des petites roches. Ok, cool. Donc, c'est ça. Fait que là, Rani the Green, prends ton D20, on va savoir si il commence. J'ai une initiative modifier. Moins de plus. J'ai 11, 13. J'ai 1 plus 4. Ouais, mais normalement, quand t'as un, tu peux faire un malus qui arrive d'une bad là. Ouais, ben. Fait que là, Rani fait comme. Ah, il arrive en courant, tout ça, pis toi, tu fais comme. Juste te tasser un peu, pis là. Là, il est comme. Whisky! Je le vois plus! Fait que tu genre. Faire foutre ta tête. Dans le sens que le gars, il est comme pas conscient de c'est comme une attaque surprise, dans le fond. Ben, je sais pas, ça lui fait qu'il serait en fait. Tu sais, son faire foutre, en fond, son art. Il aurait pas son jet de réflexe, son réflexe modifier. Mais ça dépend, c'est quoi le plus fort? Moi, j'irais avec le plus fort dans cette affaire. Non, mais pas lui. Ton bonhomme à toi. Dans le sens que son armure, normalement, tu calcules. L'armure, comment j'ai donné l'armure, puis aussi son Dexterity Modifier. Fait que là, tu enlèverais le Dexterity Modifier, je sais pas si ça en a. Ah, il y en a deux. Ça descendrait. Ouais, c'est ça. Ok. Tu peux enlever ça parce que t'as l'air de voir. Parce que là, t'as l'avantage de. Ok. Vas-y. Fait que qu'est-ce que tu fais? Il vient de passer à côté de moi comme s'il savait pas où s'il s'en allait. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a comme une patch sur un œil, fait que là, il est comme. Ah, ou est-ce qu'il pourrait genre comme le faire un backstab? Oui, que... oui, parce que là il est dos à lui en ce moment. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? C'est un backstab. Ok, ben je vais utiliser mon rapier. Je suis dans ma poche. C'est un 2-6. Non, mais faut que tu fasses un dévent avant de savoir si tu touches. Ok, fait que là, okay, on l'a ah, fait pas ça, le truc. On l'a fait une fois. Non, la première fois, c'est pour savoir qui commence. La deuxième fois, c'est savoir, là, t'attaques, on va savoir si tu y touches. Ah, fait que le dé que vous aviez lancé, que le mec a gagné, c'est à savoir qui commence. Ouais. Fait que là, il a coupé. Mais en fait, c'est moi qui. Ben, ouais. Il y a eu un. Quand tu fais un 1 sur un D20, c'est automatiquement, il t'arrive de quoi. T'sais, c'est d'habitude c'est le DM qui décide, fait qu'il va décider dépendamment qu'est-ce que t'es en train de faire. Okay. Il t'arrive une bad luck, ça peut être tu glisses, tu t'embroches sur ton arme, tu pisses dessus. Toi, t'as des chiffres dans le touch ici, puis flat footed ici, mais moi j'ai rien. Ah, moi ça c'est pour ta défense, puis là tu n'auras pas de besoin. À part s'il te fait une attaque, il faut qu'il te touche. J'ai 15 plus 2. Plus 2? Pourquoi t'as non, ok, non, j'ai rien dit, j'ai 15. Fait que c'était pas que genre moins 1 parce que ton strength est pas bon. C'est quoi ta rapier? Et où? Ok, fait que là, ça, c'est. Non, c'est pas la rapier là. C'est juste savoir si. Non, il touche. C'est la rapier. Ben c'est ça, mais c'est avec sa rapier qui attaque. Ouais. C'est celle-là? T'es moins 1. T'es moins 1. Et t'es à 14. C'est tout. Ok, fait que quand je veux savoir si je touche, il faut que j'utilise mon arme. Ouais. Okay. Faut que tu choisisses l'arme avec laquelle t'attaques avant de savoir si tu réussis à toucher ou non. Ah oui. C'est pour ça que j'ai fait. Okay. Quand j'ai attaqué, j'ai pas lancé le dé pour savoir si j'ai touché en disant que je vais attaquer la longue fois. Une fois que j'avais déjà. C'est pas bien grave, je pense pas que. De toute façon, je pense que t'as pas de modifier à ton. Non, j'ai aucun modifier. C'est vraiment bon. Mais ouais, mais fait là à 14, là on avait considéré. Moins 2, fait qu'il me touche. Ok. Je le vois pas. Il voit pas, fait que là il peut utiliser son backstab. Ouais. En plus de ton dommage normal avec ta rapier, je pense que c'est un D6 que tu fais de plus quand tu backstab. Fait que ben là, commence à lancer ton D. Que ça fait une rapier, c'est. C'est un D6 moins 1. Mais je te donne un avantage de plus 2 parce que tu me. Parce que je te vois pas. Mais... Fait que D6 plus 1. Ouais, ben en tout cas. 3. Plus? Plus 1. Moins 1. Guillaume m'a dit plus 2, fait. Ah, ok. Plus de modif. Ok, il fait plus de dommages encore. Ouais. Mais là, normalement, tu pourrais lancer un D6 de plus parce qu'il backstab. Ah ouais? Ouais. Ok, ben vas-y. Mais où est-ce que tu sors ça, le plus 6? Le D6? Ben parce que je t'ai demandé, parce qu'en tant que tel, l'une des spécialités du roublard, c'est ça, c'est que lui, normalement, il peut pas le faire s'il se bat encore à corps, mais là, vu que. Circonstance qui fait que là, l'autre il voit pas. Ah, la fin des sneak attack? Ouais, sneak attack. Ah, ouais. Okay. Fait que là, en tout cas, normalement je pense qu'il pourrait l'utiliser, mais là tu avais dit. Fait que c'est ça, fait que normalement c'est un D6 de plus de dommage, c'est ça? Ouais. La bas du fort. Fait que je lance le D6. 4, 7. 7. T'es-tu ce que tu t'en vas, un petit. C'était quoi? C'était. Rani. T'as un autre? Ouais. You know where you're going, Rani. Ah! Fucker! Il se retourne de bord. You need to work on your anger issues. I see you, you fucker! I'm gonna kill you and send your head to your mom! Wow. I'm gonna kill you! 14. Puis c'est tout, y'a pas de plus? Il y a plus, y'a plus 4. Plus ça? Donc 18. Ben, il touche. Je te touche-tu à 18? Oui. Ton AC est combien? 14. 14? Moi, y'a le plus haut AC. Ok, donc là je te touche, fait que là je vais essayer, je vais. Moi c'est un D6 plus 2. Scimitar, c'est un D4 qui est supposé te faire du coup ça en a. Ah ouais? Ben parce qu'il est plus petit, parce que sinon. Pourquoi j'ai pas la même affaire avec ça? Ben, c'est pas. Ben je sais pas, là. Parce que normalement un D6 ça va être quelqu'un qui est de taille moyenne. Toi t'es un taille small, petit. Fait que normalement tu vas prendre des armes plus petites parce que c'est vraiment plus grosse. Ben, c'est ça, c'est. Fait que c'est combien? C'est un D4 normalement. Puis j'ai-tu un plus et quelque chose? Ben, oui, là, c'est ton Strength Modifier. Là. Plus un. Plus ça? Oui. Ah, mais c'est vrai, quand même. Donc, 3 plus 1, 4. Tu me dis? Non. Je suis à 1. Fait que là, ce qu'il fait avec son Scimitar, c'est que il saute dans les airs, puis il donne un. Il slash comme ça, sauf que toi, t'as juste le temps de te tasser juste à la minute, mais il slash ton chest, si. Man, t'es comme Saga dans Street Fighter. Ha ha, je t'ai eu! I see your blood! You bitch! Ben, mean. What did I ever do to you? I hate your face! I'm proud of my face. Bon. Lance ton D20. Non. Yeah. Pitcher du sable. Mettons, je devrais pitcher du sable, ça ferait aucune différence, puis c'est un peu le sable. Ben en fait, après ça, c'est quand tu l'attaques. Tu peux faire c'est que moi je vais avoir un désavantage après quand je vais vouloir te frapper. Je vais avoir un moins 5, mettons, quand je vais lancer. C'est une poignée. Ouais. Je peux-tu juste le regarder puis faire un clin d'œil puis envoyer un petit bec? Tu peux essayer. C'est... Il va falloir que tu lances genre. Intimider ou charisme. Non, mais t'es clairement, il y a besoin de quelque chose. Là, c'est possible. Non, mais c'est intimidant, je pense que c'est vraiment. C'est... Un peu. Bref, avant d'essayer de le percer, je regarde, je dis I can work with you on your anger issues, little boy. Genre, je fais un petit clin d'œil, puis je suis comme un peu. Ok. Là, ben. Il faut que tu prennes le D20, tu lances ça, puis tu rajoutes le nombre de points que tu as dans ton intimidation. Il est un peu surpris en ce moment, il est comme What the fuck? Je sais jamais c'est quoi. 6 plus 4, 10. Yes. Puis là, il faut que j'essaye avec ça. Puis moi, c'est mon. Ça serait quoi? Moi, c'est mon charisme? Non, ça serait plus ton wisdom modifier. Wisdom? Ok, ouais. J'ai plus 1. C'est combien t'as fait, toi? 10. Plus ton caractère level, donc c'est niveau 1, tu rajoutes plus 1. Ouais, ça fait que c'est plus 2 au total. J'ai 4 plus 2, j'ai 6. Ça fait qu'il a manqué sa shot. Non, c'était 6, il y a 10. Hein? Il y a 10, lui. Moi, j'ai 6. Moi, j'ai manqué ma shot. Ah oui. Rani est comme... Wow! Ou si t'avais des trucs... OK! what would you do about it? Ben, voudrais jouer l'attaque? Ben, en fait, pas nécessairement. Tu peux continuer à parler, là. Ah ouais? Ouais. C'est plus le monde, avec. Mais non, si vous faites, la battez-vous! Battez-lui! Ils sont comme, what? Hein? Ouais. Je regarde, c'est comme... Clairement, tes épaules ont besoin d'un petit massage, fait que True, I haven't had a massage for a while now. My wife is never home. She's always out doing girl stuff. Ah, those girls. You're right. Do you think we can talk after this? Y'a-t-il des téléphones cellulaires dans ça là ou... Non. Il y a des affaires magiques que tu peux appeler les gens, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Sinon, tu fumes. Yeah, of course, drinks are on me. Tout à coup, Francisque, OK, c'est assez. J'en ai assez vu, bravo. Puis c'est lui qui paye la bière. Suivant. C'est trop long. Trop long. Là, c'était pour tester vos skills. Je crois que nous avons vu tout ce que nous avions à voir. Je pense que le roi est jaloux. Suivant. C'est pas le roi, c'est Francisque, ça. C'est le conseiller. Juste parce qu'il dit une chose. Ok, next. Il est frustré. Bravo, Michael, t'as réussi ton combat. Je pense que ça va être pris. C'est ton tour à Alex. Bob. Oui, Bob le barbare! Sous un bonhomme. Très mêlé. Mais d'abord, on commence-tu face de même à. Donc lui, il a gagné son combat, maintenant. Ouais. On commence tout de même, ok. Bon, fait que là, est-ce que moi je vais me décrire parce que nous on s'est pas décrit, toi tu savais pas décrire tout le monde, moi je vais me décrire. Fait que, oui, moi je suis un hobbit, 3 pieds 1, 35 livres, je suis pas gros. Il s'appelle Bob pis c'est un barbare. Ça, c'est ce qu'on vous a dit. Vous voyez, c'est que j'ai longs cheveux noirs, les yeux bruns, et j'ai un dos voûté, je suis tout le temps en train de lire entre autres. Puis, je suis à dos voûté, je me promène tout le temps avec un gourdin, mais le gourdin me sert de canne, dans le fond. T'as l'air tellement mal à ça. Attends qu'il pète sa boule de feu. Ouais. Y'a pas de boule de feu. Non, j'ai pas de boule de feu. Ah non, c'est un barbare. Je suis un barbare, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, vous voyez, en fond. Là, on est où? On est en quel pays, là? Vous êtes à Paris. À Paris. Capitale. C'est l'été, là? Oui, c'est l'été. L'été? Ok, fait que je suis en chest. Yeah. Là, vous voyez comme plein de dagues, ça. Sont attachés là, après moi. Yeah! Mais tu sais, je suis tout voûté que les gars. Peut-être pas si bien que ça. Yeah! Oui, prendre. C'est ça. Fait que c'est tout là. Puis j'ai un crossbow dans le dos. Mais là, j'ai sorti parce que je sais que l'autre est à l'autre bout. Je vais lui tirer un crossbow. Après ça, je vais faire. Donc, ouais, j'ai besoin d'un chiffre. Ah ouais. 3000. C'est parce que c'est un jeu. Ouais, combien? 10. 6. J'ai-tu pas gagné la plus forte? Non, bah c'est tout fait au hasard, fait que je sais pas. Plus du hasard. C'est peut-être fort. De beau. Donc, tu vois avancer un Dragonborn. Oh, les astuces, ça y est. De la Black Dragon Ancestry. C'est celui-là, il mesure 6 pieds 2, 231 livres. Oh boy, tu fais petit à côté. Moi, je vote que Dragonborn. Les Black Dragon Ancestry, c'est des acides, c'est les dragons d'acide. Je commence à voir ça. Oui. C'est pouvoir. Ben, en fait, c'est la peau. La peau est comme par exemple. Quand je vais le stabber, c'est de l'acide qui va sortir. Non. Ah, oh, c'est pas un lien. C'est comme par exemple. Le combat amical. Médéric, le conseiller, c'est un dragon. Lui, c'est le feu, donc sa peau est rouge. Fait que lui, il est vert pour l'acide. Oui, il est noir. Black Dragon Ancestry. Okay. En fait, en général, c'est un ermite. C'est un druide de level 1. Ah! De level 15? Level 1. Donc. Il a 33 ans, fait qu'il est dans la fleur de l'âge. Mm. Il est comme « Hey! Vieillard! Halfling! J'adore que ça soit toi mon adversaire. Donc, bonne chance. » Là, après ça, Francisca fait okay. « Allez-y! Combat! » Fight. Fait que là, aussitôt qu'il dit combat, la chouette, elle s'en va. OK. Et ça. Tu sais quoi? Je vais te laisser commencer. Hey, t'es fin. Merci, très aimable. Ah oui, j'ai oublié, j'ai des lunettes aussi. Fait que je pousse mes lunettes. Oh, merci, très aimable. Fait que là, j'ai pas besoin de faire de l'initiative. Ah, t'es fin. Fait que je prends mon temps. Allez, là. Donne-moi tout ce que t'as. Fait que moi, je vais rester. On est loin, là. On n'est pas collé, là. Non. Fait que moi, je vais prendre le temps d'armer mon heavy crossbow. Je vis. Oh, really? Pour vrai, un crossbow. D'accord. Ouais, mon arbalète. J'ai jamais vu un barbare utiliser un arbalète pour les combats. Ah, il y a un début à tout. Ça me rappelle justement l'histoire là, du barbare là, qui s'est passé justement en Australie. Vous savez, le conte qu'on raconte aux petits-enfants là-bas. Moi, je suis tout le temps le même personnage. J'ai comme plein d'affaires comme ça qui comptent des histoires parce qu'il y a beaucoup de lui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que t'es-tu prêt à recevoir ça? Je vais tirer, là. Allez, vas-y. OK. Je tire. 14, j'ai plus 4, 18. Si tu me touches. Et puis vu que c'est un heavy crossbow, mais je suis tout petit, c'est un débit seulement. Je t'ai touché. 6. 6 points de vie. Lui, il s'appelle Rotetar de Determine. Gros Tétard. Fait que. Puis Gros Tétard, comment tu trouves ça? Il l'a reçu direct dans l'épaule. Ça va? T'es-tu correct? Je voulais pas te faire mal, là. Pour un barbare, tu vises bien! Hey, qu'est-ce que tu veux, hein? Il l'arrache. Oh shit. Ok. Ok. Fait que, veux-tu qu'on arrête là? Je trouve que c'est le fun, là. Il va mourir une claque. À combien de pieds qu'on est de différence? Hein? Au moins 100. Fait qu'il peut pas me toucher. On est à combien? 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'est pas si proche que si éloigné que ça parce que les gens autour de nous autres nous empêchent d'aller si loin. Ben, je sais pas là, il y a combien ils ont sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais non, plus loin, là, moi je voulais pas qu'ils me touchent. Hein. C'est parce que. C'est pas à toi de décider. Mettons, ben non, mettons, moi, avant de tirer, je me suis éloigné. Mettons 20 pieds. Ah non, pas 20 pieds, là, je suis trop proche. Là. Moi, je me suis éloigné. Là. S'il y a de la place, je me suis éloigné. Y a-t-il de la place? Mais je sais pas, tu me dis qu'elle bombe sort d'autour de nous autres. Là. Moi, je vais s'éloigner le plus loin possible. Mettons que la scène de combat là, est aussi grande que la chambre et que ça ici. Ça, c'est 100 pieds. non. Tu me parlais du Parthénon tantôt. Ouais. Mais c'est parce que les gens étaient autour. Fait que techniquement, je serais à peu près ici. Ah, mais c'est un ring de boxe. C'est un ring de boxe. Moi, j'ai tiré dans. Hey, je l'avais manqué, je poignais l'autre en arrière. J'aurais pu tuer quelqu'un qui est en train de regarder. Ouais. C'est bien dangereux. C'est comme Dragon Ball quand ils font les tournois. Ok, bah lui, ce qu'il va prendre, c'est ça. Il va prendre son Chiliga Club. C'est quoi ça? C'est du Chili avec du club dedans? C'est Chili, ils ont S-H-I. C'est Chiliga. Chilila Club. C'est comme un club? Ouais. Donc, c'est comme un gros marteau. Fait que là, il arrive en courant. Il charge? Ouais. Ouais. Ben, s'il charge, ben, ça me l'arrive peu. Là. Je pense qu'il ça lui donne plus 2 pour son jet d'attaque. Puis c'est juste qu'après ça, s'il manque, il y a moins 2 à sa défense. C'est correct. Ok, fait que là, il charge. T'as plus 2. Il court. J'ai 16, plus 2, 18. Tu me touches. Ok. C'est avec ça que je meurs. Son Chilela Club. Ouais, club. Fait combien de dommages? C'est un D8. C'est gros, c'est 4 points de vie. Pourquoi t'as pas fait une boule de feu? D8 plus. J'ai pas de sort qui dit, putain, tantôt. D8 plus 4. Dommage, je fais pas de magie. Tu dis que je suis un barbare. Un D8 plus 4, je suis mort. 6 plus 4, 10. Je suis mort. Je suis à moins 4. Il arrive. Puis là, il vient pour te frapper sur la tête. Puis le. Tu vas pas frapper quelqu'un qui a des lunettes? Le chevalier d'argent, il arrive juste à la dernière seconde pour empêcher qu'il t'écrase la tête. Il saute en bas? Ouais. Fait que là, il arrête le coup à la dernière seconde avant qu'il t'écrase la tête. Je vais tu? Je suis un bâtard, t'as vu? C'est ça, man. Il s'en va. Et ça, pendant qu'il pisse le sang, tu? Ouais, personne me touche, moi. Est-ce qu'il y a des first aid sites? Je suis un barbare, moi. Un cléric, tu pourrais peut-être faire quelque chose. Merci, c'était Francisque qui prend la parole. Merci, c'était très intéressant. Fait qu'il dit aux autres de tout s'en aller parce qu'ils ont trouvé enfin. Non, là, après ça, il y a les autres après qui passent un après l'autre, etc. Ah, je pensais que c'était le dernier. Non. Après que tous les héros soient passés, ce qui arrive, je s'est rendu compte que j'ai le meilleur des barbares. Mm-hmm. Yo, Bob! Bien sûr. Donc, là, il demande, Francesca va encore prendre la parole. Bon, tout le monde, rassemblez-vous. Nous avons pris des données sur les combats et nous avons jumelé des gens entre eux pour qu'ils puissent former des équipes de 3 pour passer à travers la tour de la porte. La tour de la porte. Oui. Ça dit. Je sais que ça dit rien encore. Donc, je vais nommer les noms et vous serez jumelés les uns aux autres pour le test. Donc, là, il dit les noms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bob. Le barbare. Le barbare. Bob des îles. Baboué! sera jumelé avec Etsiku Seken. Oh, ouais! Et... Comment ça, je suis pire? Non, mais tout le monde est pris. C'est juste parce que c'est une façon pour eux autres de jumeler avec les gens. Tu parles d'un jumelage en fait. Il a dit, ah, lui, c'est un barbare, c'est bon. Et Fernandir Holz. C'est moi. Bravo, vous serez une des équipes. Allez voir les soldats à votre droite. Ils vous remettront les bracelets magiques. Oh. Yes! En fond, c'est comme on est des prisonniers, puis eux autres, c'est un GPS qu'ils nous donnent. C'est pas bon! C'est pas bon! Hey, mon personnage, il est intelligent. Là, vous arrivez au soldat. Allô? Donc, vous êtes une équipe? Oh. Ok. Quoi? Vous êtes une équipe. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous juge. Attends, là, on va faire. Attends, il essaie de nous cacher de quoi? Moi, je fais Je lance toutes mes dés. Attends, j'ai une diplomatie là, pour essayer de comprendre. Non, mais ça, c'est un sense motive. Oh, j'ai rien de sense motive. Ouais, sense motive. J'ai rien, moi non plus. Moi, j'ai des. Vas-y. Essaye de déchiffrer qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il cache. C'est toujours. Ah, j'en ai moi aussi. T'as combien, toi? Ben, je pourrais l'utiliser. T'as 4, moi j'ai 3. Ah, j'ai plus que toi. Ben, c'est sûr, t'as le wisdom, ça se motive. Vas-y dans le sense motive, mais Miguel, vas-y. C'est quoi, faut que je fasse? Des 20. Ça, c'est un motif. Des 20, ça me donne plus 4. En fait, faut que t'aies un certain nombre pour savoir. C'est ça, parce que lui, il est en train de bluffer, il dit y a rien, mais tu sais, on sent clairement qu'il y a quoi. C'est le même, c'est intéressant. Faut savoir c'est quoi ses motivations, ça me donne 15. Okay. 11 plus 4, 15. Fait que ce que tu comprends de ce qu'il dit, c'est que il a probablement regardé les combats. Puis il voit le... il voit que vous êtes ensemble. Oh my god. Puis il est comme ouf. Ils ne font pas longtemps dans le tour, dans la tour. Ouais, Fern, il a gagné, Fern. Ah, il est juste jaloux, il n'y a pas eu de match. Il a gagné comme ça, tu sais. En embrassant l'autre, il a envoyé un bec. Et moi, je me suis pas fait toucher. Il est juste un muffle pour ceux qui est bizarre de même. Fait que tu y parles-tu? Non. Non? Non, je parle pas. Ok. Ok, avancez vos poignets. Je m'en fous, je veux pas le convaincre. Okay. Fait que là, ce qu'il prend, c'est qu'il prend, c'est un genre de bracelet, un peu comme, qui ferme comme c'est magique. Ouais, c'est magique. Attends, un peu, je veux savoir, mais tu vas nous l'expliquer, en le fond. J'ai dit, je veux savoir c'est quoi. Ouais, je m'en allais l'expliquer. Ah, ok. C'est vraiment ça, j'ai pas besoin de faire un jet pour, dans le sens, pour savoir si c'est vraiment ça. Non, t'as pas besoin de faire ça. Vas-y. Fait que là, il vous met chacun des bracelets. Techniquement, il dit rien, mais est-ce que vous me posez des questions? C'est quoi ça, le bracelet? Ça sert à quoi? Oh, excusez. Je pensais que c'était pas important de vous l'expliquer. en fait, ces bracelets-là, maintenant vous êtes une unité, donc vous êtes une équipe de 3. Vous pouvez vous entrer en communication télépathiquement entre vous. Grâce au bracelet. Donc, vous devriez mettre ce bracelet-là dans vos items de choses. Comment ça fonctionne si je veux parler télépathiquement? C'est comme si tu envoyais des messages. C'est pas vous parler à temps plein comme ça. C'est que si à un moment, faut que vous dire ok, je vais envoyer ça à telle personne ou à une ou deux personnes. Okay, moi, je l'ai mis, puis ils ont-tu mis là, les bracelets, ça? Ouais. Fait que c'est possession of fait person. Ouais, moi je leur dis télépathiquement, mangez toute la merde. C'est le bracelet magique de Unga. Bracelet de Unga. Est-ce qu'on est proche du gars quand il me donne les bracelets? Ouais. Est-ce que je pourrais essayer de si tu ça clip puis on peut plus les enlever facilement ou? Ça clip, tu peux plus les enlever facilement. Est-ce que on voit-tu s'il y a besoin d'une place où je mette une clé ou lance-moi comment ça spot, c'est ça? Lance-moi spot. Spot, c'est des 20 plus bon spot. Pour la location, on marque quoi là? Location, oui. Ah, tu l'as pas mis à bonne place, hein. Ben, dans les Possession of Person. Dans les billets. Dans les objets magiques? Ah, ouais. Ouais. C'est parce que tu veux pas avoir plus que. Tu peux avoir juste un truc magique sur la tête, un truc magique sur les yeux. J'ai 12. 12? Tu vois pas vraiment qu'il y a un trou pour la clé, tu vois pas vraiment de rien de spécial. Ben, c'est Arm Wisp. Par rapport à. Wisp, Arm Wisp. Ben, ça, il y a rien de. C'est comme enfermant, ça a comme. Il n'y a plus rien, genre. Puis ça brûle la peau, puis là tu deviens fou. Je peux pas essayer de voir dans ses poches s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Il est derrière une table. Ça risque pour que tu ailles chercher dans ses poches, il faudrait que tu fasses le tour de la table et tu y ailles. J'ai bien les moyens pour me rapprocher. Ok. Je suis mesmerisé par les bracelets. J'arrête plus de les regarder depuis tantôt. Pourquoi on peut pas les enlever? Pourquoi il n'y a pas de. Tu poses la question à moi ou tu poses la question au garde? Mon personnage pose vraiment la question à celui qui est en train de mettre le bracelet. En fait, vous pouvez les enlever. Sauf que vous, personnellement, vous pouvez pas les enlever. Pour les enlever, faudrait que vous alliez voir un des conseillers du conseil des sages ou quelqu'un d'autre de la garde de la loi. Eux autres, ils ont un objet magique qui ressemble à une clé, mais c'est comme un genre de. Un petit rond avec un... C'est la même affaire que d'enlever les tags sur les vêtements. Exactement. En ce moment, en mettant ça, c'est comme si vous signiez le contrat que vous voulez participer au test de la tour. Après, si vous échouez le test de la tour, ils vont vous enlever les... Mais je suis un barbare, moi j'aime pas ça, la magie. Je trouve ça, ça me brûle la peau. J'aime pas ça. T'as pas une petite crème? En fait, ces bracelets-là servent à vous quand vous allez dans des situations, surtout de stealth, où est-ce que vous allez devoir discuter entre vous sans faire de bruit. Ça va vous aider. Moi, je communique avec eux télépathiquement. Ouais. Non, mais. Apprendre à se connaître, gang. Ouais, mais je dis, tu ce qu'il dit ou ça mange de merde? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que tu me dis ça télépathiquement? Ouais, ou... je te dis ça télépathiquement. Okay. Je réponds à ta question. Moi, je réponds pas, je suis trop encore de fois qu'il sait regarder les bracelets. Bizarre, Fer! Vous pouvez vous tasser, il y a d'autres gens qui veulent des bracelets. Hey! Pas de l'ordre à nous dire, là. On a fait partie des groupes, là, on a été choisis, c'est parce qu'on est les meilleurs combattants. Check toi, c'est pas qu'on te pète la gueule. En fait, tout le monde a des bracelets. Ok, ok, c'est fine. Je mets le doigt sur la bouche. On s'en va tantôt, hein. Ok. Donc, maintenant vous êtes jumelés. Pendant que les gens donnent les bracelets, tout ça. Je pense que c'est le temps qu'on aille à la taverne, guys. Ce qui arrive, le roi Mathias. Tout le monde, chers guerriers et héros. Pas fou, avant le tour de la. Le test de la. Tour. De la tour de la porte sera demain matin. Donc pour l'instant. Un autre test. Non, mais ça c'était pour vous jumeler. Le vrai test commence. C'est la même, la vraie preuve. Ouais. Donc. Pour ce soir, j'aimerais remercier tous mes fidèles sujets guerriers heureux, héros qui ont passé ce petit combat amical. Nous avons vu des grands guerriers, d'autres avoir un petit peu plus de misère, mais je suis sûr que vous allez être parfaits dans le test de la tour. Alors pour ça, nous allons avoir un banquet. Yeah. Alcool à profusion, pain, bouffe, tout ce que vous voulez. Ouais! Tout le monde crie, tout le monde est bien content. Donc. Ouais, bon. Fait que. Ah, mais je peux plus, là. Ouais. Faut que je retrouve le petit gars de tantôt. Donc, les gardes et les servants du château assortent les tables. Oups. Ils lèvent les deux portables. Tu peux pas avoir un personnage comme nous, toi? Ça me perturbe que tu sois gros. Alors, moi, je suis particulier. Sortent les tables. Ensuite, le roi descend pour se jumeler, pour se joindre à la compagnie de tous. Même chose pour les sages. On va y faire les poches au roi. Qu'est-ce que vous faites? En ce moment, le roi est en train de discuter avec certains guerriers. Pack sablé. Le chevalier d'argent se promène à travers sans rien dire, à regarder les gens, les observer. Le conseil des sages sont dans un coin en train de boire un peu de vin, en train de discuter. Et évidemment, il y a plein d'héros autour de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas, moi, mes compagnons me disent quoi, parce que si personne ne dit rien. Ouais, c'est vrai, vous devriez peut-être vous jaser un peu avant d'aller jaser aux autres. Hein. Salut! Puis, est-ce que vous voulez vous décrire, Miguel? Oui. Je suis un demi-elfe. Et 4, quand même très léger. J'ai les cheveux rouges vifs que je retiens de ma mère, puis j'ai les yeux noirs, comme que je retiens de mon père. Puis, ouais. Physiquement ou tout? Ouais, juste physiquement, tout ça. On le sait, on le voit. Non, mais c'est ça, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on voit justement, c'est ouais. Ça. Pour t'imaginer, puis aussi pour les gens qui écoutent. Ok, parfait. Ben, moi je suis un elfe, j'ai 109 ans, puis je suis quand même normal, je suis pas très petit, je suis pas très gros non plus. Je suis athlétique, j'ai les yeux verts, bleus, quand même assez perçants. J'ai les cheveux noirs, comme tout bon japonais. Puis je pèse 150 livres et je mesure 5 pieds 5. Je suis pas plus 150. Pour 5 pieds 5. Ouais. Non, mais je suis musclé, je suis athlétique un peu. Ok. Ben, je suis pas mince. Parce que je me suis mis 6 pieds 4, 155 livres. Toi, t'es meg en simonac. Ouais, ben, je suis plus peut-être sur le long. Ok. Moi, je suis pas gros, mais je suis pas mince, esbelle comme la plupart des autres. Ouais. Je me suis entraîné beaucoup. Ah ouais, t'as le droit. C'est commun chez les prêtres qui s'entraînent beaucoup. J'ai étudié les armes anciennes, puis j'ai le soin d'un temps pratiqué. C'est bon. Je m'entraîne. Parfait. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugement entre les autres guys. C'est correct. Ouais. Moi, je me suis décrit tantôt, là. Je vais le refaire encore. Un petit... Ben, c'est ça. Moi. C'est-tu vraiment en bas de ton nom? Ah, t'es entre amis, là. Ouais, ouais, je pense que t'es un barbare, hein, parce que... Ouais, c'est ça. Ben, j'ai des pas, lunettes, c'est les pas lunettes. Très bon au maniement de l'arc, pis... Ben, j'avais pas d'âge, j'avais un arbalète. Beau, ben, c'est ça. Ben, comment, je l'ai touché, le gars. Tu l'as touché? Ben, t'es oui, il a eu ça en réponse. T'es pas mal pour un barbare, pis... C'est quoi, barbare, là? C'est une juge parce que je suis un hobbit, là? Non, mon feeling me dit que t'es pas un barbare. Pourquoi? C'est mon feeling. Parce que j'ai une chouette avec moi, pis j'ai plein de livres avec moi. Je t'ai dit que c'est un feeling, c'est pas parce que t'as quelque chose en particulier. Bon, est-ce que tu vas continuer à leur mentir? Il ne croit pas que je suis un barbare. Non, je te crois pas. Ben là, voyons donc. C'est quoi là? Je suis sûr que t'es pas un barbare. Je me bats avec un gourdin. J'étais à l'œil. Check pour moi. Oh, oh, oh. J'utilise, moi. J'utilise mes talents de pickpocket pour aller voler son permis. Ok, vas-y. Voler son permis? Ben, c'est des dossiers officiels. Je vais tellement me faire pogner. J'ai 18 plus. plus 8. Pendant qu'il s'assine avec. Avec Etsiko. Attends, hey, d'un coup que je l'ai, là. C'est quoi, moi, je fais un spot. Moi, je le vois aller, mais je dis rien. Spot. Ah, ah, j'ai quand même plus 5. Ah oui, c'est à cause que j'ai une chouette avec moi. Ah non, j'ai pas plus 5. J'ai 26. On est-tu en noirceur un peu? Oui, parce que là c'est rendu. Ah, fait que j'ai plus 5. Un peu. Yeah. Fait que là il est tard un peu. C'est toutes les chandelles, des torches un peu partout alentour. Y'a pas d'électricité? J'ai 14. Pas en ce moment. Ça dépend des endroits. Mais là, dehors de même, y'a pas d'électricité. Okay, dehors, ouais, plus 5, 14. Fait que je pense que je vois pas. Fait que Mick. Fern, tu voles ses papiers d'identité. Hey, je suis un barbare. Non, je te le fais pas. Mais là, moi, je vois Fern faire. Il le voit-tu? Non, Fern! Non, je le vois pas. Non, Ben, il faudrait qu'il fasse un spot. En fait, je regarde le permis, mais je dis rien. Mais vu qu'on est lié télépathiquement, je dis comme son prénom, je dis quoi? Mon vrai nom, c'est Eramine. je regarde, je fais comme... Eramine, what? Vous entendez genre justement moi qui commence à arriver de ton vrai prénom. Fernando. Tu peux m'appeler Fern, tu connais. C'était pas tellement Fern. Fernandir, pourquoi tu dis? Puis c'est quoi ça, Ramine? Ouais. Ouais, ça a l'air d'une palette de chocolat. Ça a l'air que t'aimes le chocolat parce que c'est ton vrai prénom. Quoi? Hein, ben voyons, non, pourquoi tu dis ça? Ben voyons, non, c'est Bob. J'ai mis sur le papier là, officiel du roi, là. Parce qu'on est ici. Hey! Oh, c'est un vrai. Hey, t'es capable de faire des faux permis de conduire? Attends, moi je le prends, je regarde, c'est un officiel, ça. Comment ça, c'est un officiel? Écoute, tu connais, toi. Ouais, avec les petits écriteaux habituellement. Là, ben, c'est ça, c'est qu'il est bon. Ah, il est bon en tabarnouche, je pense. Ben, c'est ça. C'est bon à savoir. Feeling, hey, je suis content d'avoir dans mon équipe. Je crois plus Fernandir que toi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je te feel pas. Tu penses pas? Guys, la façon de s'arranger, là. Allez, prendre une coupe de vin. C'est bon, ça. Moi, je prends pas d'alcool. Comment tu prends pas d'alcool? Quoi? Non, je prends pas l'alcool. Fais deux, tu bois, là. Je peux utiliser mon intimidation pour pas savoir. Essayer. Ouais, tu peux si tu veux. Non, attends un peu. Je sais pas que ça va être difficile. C'est pas gentil, Fernandir. Ah, mais toi, j'ai des atouts, moi aussi. Ouais. Est-ce que tout ton wisdom est fort, fait que... Ah, attends. C'est quelqu'un qui est beau, je vais faire un... Je vais chercher un... de l'eau. Ouais, mais non, je m'en occupe. Je vais aller te voir. J'ai déjà mon verre. Avec le bracelet, je peux-tu communiquer juste à qu'un? Ouais. Je peux, c'est un seulement, je peux? Ouais. Et c'est clair. Juste communiquer que t'es le bâtiment, c'est clair que je vais t'empoisonner. Non, mais. C'est pas ça. Ça va être une belle équipe. Je vous connais pas vraiment encore assez pour vous faire totalement confiance. Fait que tu vas voir son bain. Pendant que vous êtes en train de vous assigner, le chevalier d'argent, il passe à côté de vous autres. Ah, puis moi j'arrête carrément de parler, puis je fais juste il fait juste continuer à marcher en vous regardant, genre. Attends, et moi je baisse mon pantalon, puis j'y mets mon pénis. Ouh! Moi, en voyant ça, je m'éloigne un peu. Puis il réagit-tu? J'essaie de parler avec... Non. En tout cas, s'il a réagi, tu vois pas rien, parce que, tu sais, son masque est là. Fait qu'il fait comme... Puis là, il continue. On voit pas que non, mais moi, je m'éloigne, puis je peux-tu essayer d'y parler, ou il y a déjà gens trop loin? Non, tu peux y parler. Je me suis éloigné, puis je commence à essayer d'y parler. Je suis pas avec eux autres, hein. Inquiétez pas. Je suis normal. Puis, on a entendu ça, là? Non. Si tu veux l'entendre, il faudrait que tu prennes les signes. Les signes. Qu'est-ce que vous avez à protéger le roi? Elle répond pas. Ah, c'est une fille? Mais non, c'est vrai. Elle m'a rien dit, elle est juste partie. Je voulais savoir pourquoi elle était avec le roi et toute l'équipe. Mais elle n'a pas rien dit. Fait qu'on mange-tu, guys? Ouais, ouais, on peut manger. Ouais. Il y a de la boisson partout. Il y a évidemment toutes les gens que vous pouvez aller jaser, des poser des questions si vous voulez. Je donne beaucoup de hints là, en ce moment. Moi, c'est clair, je me pitche vers le roi. Là. je prends deux coupes au passage. Parce qu'un lui, au moins, j'espère qu'il va boire. Moi, le roi, c'est lui. Moi, ça me fait penser beaucoup c'est à... Jeu, ceci. C'est les, ça, c'est les... Mais le roi, il était tout seul? Ouais, le roi était tout seul en train de parler avec d'autres. Les trois sages étaient ensemble. Ouais. Pendant qu'il était en train de parler avec un autre. Et nous, on va se parler à quelqu'un? On va parler au sage. Il était en train de parler à Rani. On va aller parler au sage. Ah, mon roi, je vous aime! Ok, d'accord. Oui, c'est beau, merci. Là, il se retourne, puis il voit Fernand dire qu'il est juste dans sa face. Fait qu'on se oh, bonjour, cher héros! Ouais. Ça va? À côté de lui. Fait que là, juste un peu. On suit Fern. Fait que le roi, il est où pour lui? Il est en face de toi. T'as dit qu'il était face à face, là. T'as dit qu'il était avec d'autres gens. Il est en train de parler avec Rani, le petit gnome fatigant. Sauf que là, il était OK, il se retourne de bord, puis il arrive face c'est à toi. C'est là que tu as envoyé un clin d'œil, là. Là, nous, on t'a suivi. On est proche. On est proche. Bien le bonsoir, Monseigneur Sidam. Est-ce que vous avez tout ce que vous avez besoin? L'alcool, la bouffe? Les femmes? Si vous êtes végétarien, il y a une table de végétarisme là-bas. Ah, moi je prends pas d'alcool, mais pour le reste, c'est vrai que ça. Ah! Est-ce que vous avez une bibliothèque? J'aimerais avoir accès à votre bibliothèque. Nous avons une bibliothèque, et pour avoir accès, je vous demanderai de demander à Francisca ou à un autre des conseillers, car moi, je rentre jamais là-dedans. Il y a trop de livres. Mais il est trop bête. De poussière. Oh. Vous le trouvez pas bête un peu? Francisca? Ouais. Il est avec une de ma famille depuis trois générations maintenant. C'est comme un vieux meuble. Ça me fait penser justement à l'autre roi là, qui avait un conseiller pareil. Là. Celui en Amérique du Sud, avant qu'il y ait les révolutions, là, ça avait lu ça dans les livres, là, c'est vraiment génial. Mais c'est pas Frank qui voulait parler, c'est quelque chose. Mais non, mais moi, je vais juste rajouter à ça. Mais... Comment il s'appelait, ce roi-là? Je me souviens. Je suis pas très bon avec l'histoire. C'était Esteban de la Cabeza. Je m'excuse, mais on dirait que c'est un nom que vous venez juste d'inventer. Non, pas du tout. Vous irez voir dans le livre les contes de Montezuma et ses disciples. Ça fait partie de cet univers-là. Ah, bien, peut-être. Ça fait partie de mon patron, mon personnage. J'ai tellement lu d'affaires qu'il va tout le temps être en train de citer des affaires que il lit. Mais tu sais qu'ils n'ont pas nécessairement d'incidence dans le jeu. Là. Ouais. Ça fait un peu. C'est comme un Paulude. Oh my god. Qui connaît toute l'histoire, puis c'est inquiet. J'interromps la conversation, je la trouve intéressante, puis je donne un verre de vin au bois. Okay. Ouais. Donc, c'est la musique du banquet. Ok. Donc, c'était quoi la question? Ah oui. Toi, t'interromps. Ouais, je sais combien que c'est intéressant. Vous avez l'air d'avoir soif, Monseigneur. Les autres? J'étais à verre de vin. Oh, merci beaucoup. J'ai déjà mon pichet de bière ici, mais merci, je vais prendre ce verre de vin aussi. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il fallait pas mélanger les deux, par exemple. Bon. On peut mélanger ce que vous voulez, Monseigneur. Alors, comment j'ai malheureusement pas assisté à tous les combats. Comment ça s'est passé, votre combat? Vous êtes une équipe, j'imagine. Ben oui! Ouais. Moi je m'en vais pendant ce temps-là. Il y a honte, il s'en va. Je m'en fous, vous êtes en train de faire. Je m'en vais voir les sages. Donc. Je pose la question, qu'est-ce qu'on doit s'attendre du test de demain? En fait, le test de demain, c'est Francisca qui l'a organisé avec ma mère. T'es où ta mère? Elle est partie quand il y a eu les quand le dôme a été créé. Juste avant que le dôme ait été créé, elle est partie trouver les druides et les sorciers qui pourraient créer justement ce dôme-là. Parce que le dôme est créé par de grands sorciers et wizards et toutes les gens de la magie dans le fond pour créer le dôme autour des deux portails. Oui, ma mère est une druide, donc elle a pu organiser avec les autres magiciens tout ça pour créer le dôme. Donc depuis à peu près 3 semaines, je ne sais pas où elle est. Je n'ai pas de nouvelles d'elle et je ne... Vous n'êtes pas inquiet? Ma mère est, comment dirais-je, est très hippie, volatile. Elle aime la nature, elle aime se promener. C'est pas la première fois qu'elle disparaît pendant des jours et des jours. Et elle commence à arriver à la limite des semaines, genre du temps qu'elle a disparu le plus longtemps possible. Mais en général, ça me surprend pas. Elle devrait revenir bientôt, en tout cas je l'espère. Voilà, inquiet. Non, ma mère, c'est une free spirit. C'est elle aime la liberté. Ah ouais, vas-y. Je pense que ça tendrait bien avec ma mère, mais qu'on décide de rentrer dans le dôme. Oh! Est-ce que votre famille est dans le dôme? Oui, ma mère et ma soeur. Marie, que la plupart des gens ici sont là pour la gloire et autres raisons. Moi, je suis ici pour sauver ma famille. Oh, mon fils. Peut-être vraiment à peu près le même âge que moi. Oh, je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été capturés, qui ont été prisonniers du dôme. Mais le dôme, est-ce que tu sais si ta famille est vraiment dans l'action de la guerre ou est plus... a une chance de se cacher à travers tout cela? Pour faire une histoire courte, parce que je pense qu'on s'entend bien déjà ensemble, j'étais parti sur une quête et à mon retour, en attendant... À sachant ce qui se passait dans la ville, j'ai accouru pour rejoindre ma famille, puis en arrivant, je me suis heurté au dôme, à votre dôme. Et, Rin. Au bord du Rin. Puis, j'ai fait signe à ma famille de se cacher le plus longtemps possible pour, justement, le temps que je vienne vous voir et les sauver. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je sens votre déchirure, c'est une histoire horrible. J'espère vraiment qu'un des groupes de héros ici va réussir à finalement fermer ces satanés portails. Justement, parlant de portails, est-ce que vous savez, donc vous me dites que c'est les puissances magiques qui auraient fait ça, là, faut aller... Est-ce que tu parles vraiment comme ça? C'est vraiment ça ta voix? Ah oui, c'est vraiment ça. Ok. Non, en fait, je voulais savoir, là. Ok, c'est ça, je voulais. Je voulais savoir, là. Vous me dites, donc, c'est un petit truc magique qui a fait ça. Là, vous me dites que quoi, il y a 7... 6. 6 points d'ancrage. 6 points d'ancrage. Donc, c'est une magie qui aurait fait ça. Là, on sait pas partout c'est qui, là, c'est ça? Non. Un grand mystère pour tout... la cour et les conseillers et tous les magiciens et les wizards et les druides que nous avons fait affaire avec. Et est-ce que vous avez entendu parler du sceptre de Pharaon Céleste Spécial, le troisième? Aussi connu sous le nom du gros... du bâton du roi! Non. Quel est cet objet? Ah, c'est un objet mythique. En tout cas, je n'ai rien entendu parler de ça. Vous me dites que ceux qui... Est-ce que vous croyez que c'est cet objet qui a ouvert le portail? Tout est possible, mon cher seigneur, roi, chose, machin, truc. Mathias. Sidam. Et Sidam, ben c'est ça, hein. Mais là, vous allez être pas très instruit, à ce que je peux voir. Vous êtes vraiment quelqu'un très physique et tout. Alors, correct. Moi aussi, en tant que barbare, je suis très physique. Alors, ben, vous m'avez dit que c'était ceux qui avaient accès à la bibliothèque et tous les livres, ces choses là-bas, là. Ouais. Ben, allez le voir. Moi, je suis déjà avec eux. Fernandir, je vois que votre ami et votre coéquipier est assez... je ne crois pas que ce soit un barbare. Ouais, je pense qu'il cache bien son jeu, mais on va... Il cache bien son jeu, ouais. D'accord. Là, on va juste faire un cut puis aller vers. Ah, mais moi, je suis déjà avec eux, j'ai des questions. Je t'apprends à parler avec eux. Ok, là. Ben vas-y. Là, je vois lui arriver au loin. Qui? Hermione. Hermione. Hermione. Ah, il va falloir se pratiquer avec nos noms. Hermione. Vraiment dire, ça va. Je leur pose des questions. En fait, qui t'approche en premier? Ben, les trois sont pas ensemble. Ouais, ils sont ensemble, mais je veux dire. Ben, j'arrive en général, pas une personne en particulier. Puis le défi de demain consiste en quoi exactement? Francisca, il te regarde un peu, genre comme. Quel genre d'elfe faites-vous? Toi, t'es un elfe normal. Ouais, ben, je suis un elfe. Je sais même pas c'est quoi les types d'elfes. Il y a Wood Elf, il y a High Elf, puis il y en a un autre, il me semble. Dark Elf? Ben, tu sais, c'est les joueurs. Hein, High Elf. T'as juste même un elfe. High Elf. Il me semble que c'est ça. C'est ouais, ça qui est ouais, parce que toi, tu viens. Ouais, les High Elf sont comme un peu une classe supérieure. Ouais. Toi, t'es comme une diplomate dans ta famille. Ouais, fils de. Je suis un High Elf, fils diplomate de Mitsuke. Puis fils de la diplomate Mitsuke, puis aussi mon père est le fondateur de NeoCorp. Oh! Oh! Donc c'est vous qui nous envoie les robots ménageurs? Ah! On essaie d'en vendre. Mon père, du moins, essaie d'en vendre le plus qu'il peut. Il essaie d'améliorer la technologie pour montrer que c'est mieux que la magie. Elle sert mieux les gens que la magie. Mmh. Mais je suis pas totalement d'accord avec toutes ces idées. Ok. Là, Brie, elle va prendre la parole. C'est la petite Alf. Mmh. Alf. Brie Desjardins. Brie Desjardins. Ouh! Donc, vous voulez savoir à propos du test de demain? Oui, en quoi il consiste? Pourquoi faut faire ce test demain? Ouh, quelle excitation! En fait, c'est une très grande tour. Ça s'appelle la tour de la porte. Apparemment, j'ai une porte. En fait, non, il n'y a pas de porte. Ouais. Mais je vous donne un petit conseil. Il y en a une, mais on ne la voit pas. Mais c'est pour rentrer dedans. Oh. Mais la tour de la porte est un test. La tour a été créée il y a à peu près une cinquantaine d'années par Corentin Sidam. Non, pas de 50 ans, excuse-moi. Une vingtaine d'années par Corentin Sidam pour la fête de Mathias lorsqu'il avait à peu près une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça. C'est un cadeau de fête. Elle a créé ça pour l'amusement de Mathias, mais elle l'a transformé dernièrement pour ce test, pour savoir si les guerriers seraient capables de. Donc, c'est un test pour savoir si on est assez fort pour continuer notre quête. Dans cette tour, il y a plusieurs obstacles que vous devrez franchir de toutes sortes. Force, magie, intelligence, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de plaisir. En tout cas, pour moi, ça fera beaucoup de plaisir parce qu'il y a des caméras partout, fait que je vais pouvoir regarder. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non. Vous êtes malade, jamais je rentrerai là-dedans. Pourquoi? C'est beaucoup trop travail. Moi, j'aime jouer de la musique et j'aime avoir du plaisir. Faire des exercices comme ça et des tests, moi, je suis là pour conseiller. Je suis pas là pour combattre. Est-ce que vous auriez pas un petit conseil à nous donner à ce moment-là? Si vous êtes là pour conseiller. La collaboration d'équipe. Je t'inquiète. Oui, il y a beaucoup de collaboration, mais le plus grand conseil que je pourrais vous donner, parce qu'il y a plusieurs obstacles dans cette tour-là, fait que je veux pas vous donner des conseils sur tous les obstacles. La foi. Mais un bon grand conseil. La foi. Les bracelets, ils servent à quelque chose. Oh! C'était pas là. Chut! C'était pas là. Francisque, brille! On se calme. Arrêtez de dire tout ce que vous... Tout ce qu'ils vont savoir pour le test. Je me souviens de leur exercice plus tôt. Ils ont tout échoué. Mais non, j'ai pas été touché, moi. Là. Moi, en tant que barbare, de toute façon, s'il y a une porte qu'on ne trouve pas, on va la défoncer. Fait que j'ai mon gros bâton. Badaigne. Les ramines. Toutes leurs rôles à vérité. Hey, c'est Bob, mon nom. Bob le barbare. Pourquoi vous m'avez regardé à ce moment-là quand j'ai dit votre vrai nom, Eramine? Ben, vous m'en regardiez. Oh my god. Voyons d'or. Oh, pourquoi vous faites ça? Vous êtes vraiment hilarant. La petite dit ça. Ouais. Toi, c'est quand tu vas monter sa scène, chanter de quoi? Ah, mais c'est pas... Ces années de folie et de scène est terminée pour moi. Maintenant, je suis seulement une conseillère. Mais tu viens de dire que t'aimais ça chanter. Oui, je ne chante que pour la cour, pour mon roi. Ben là, il est là pour voir chanter. Il parle avec ce joli jeune homme là-bas. Il est beau. Joli et lancé jeune homme. Oui, il est de lancé. Il est grand. Lancé. Là, Médéric, le Dragonborn, va prendre... Où est-ce que vous voulez en venir avec tout ça? Ben, je vais demander, elle est où la bibliothèque, là? Pareil, vous avez une bibliothèque, j'aimerais aussi avoir accès. Moi, en tant que barbare, je suis un peu pas très érudit, alors j'aimerais ça, mais m'érudicier. Il lance ton intimidation. Ton pas ton intimidation, mais ton... Parce que je m'excuse, mais je le crois pas pantoute. C'est un bluff, qu'est-ce que je ouais, pense, un là? Bluff. Bluff, j'ai rien battu. Ben... 15, pas pire. Cherches-tu vraiment une bibliothèque? Ben oui, c'est... Non, mais ça, la bibliothèque, je la cherche pas vrai. Tu l'as en plus, toi. Yeah. Ils sont calmes. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez exactement dans la bibliothèque? Ben des livres. Je veux juste voir votre bibliothèque. Tu sais. Je veux m'abreuver à cette source de connaissances infinies parce que j'imagine le roi en tant que tel doit avoir une super méga bibliothèque. Mais parlant de bibliothèque, j'aimerais aussi avoir accès à la bibliothèque. Je serais très curieux. D'accord. Francis, est-ce que c'est correct si je les amène à la bibliothèque? Ils ont l'air inoffensifs. Je suis inoffensif, je suis juste un barbare. Oh oui, d'accord. Voilà. Hey, tu me crois? Ouais, allez-y, c'est bon, allez, amusez-vous. Les... Donc, Etsuko et Médéric se dirigent vers la bibliothèque. C'est finlandais, Rask. Bon, on peut toujours parler à Eramine, par exemple. C'est son Eramine. Ouais. Comment dire? Ouais. Fait que là, en chemin, dans la. En fait, s'attaquer. Vous suivez Médéric dans le château, qui est un très très beau château, avec des colonnes un peu partout, des belles toiles, de toutes sortes d'art. C'est pas juste des arts de. Là, ma chouette a chier sur un rideau. Oh my God. Hey, tu fais rien pour aider ton cas, je pense. Pourquoi? En tout cas, personne le voit parce que les rideaux sont vraiment hauts, les fenêtres sont gigantesques. Moi, je suis content, je le sais. Okay. Je la sens, elle est soulagée. Je dis, oh. Ok, fait que là, vous suivez Médéric vers la bibliothèque. D'où est-ce que vous venez en passant? Ben, moi, comme tout barbare, je viens du nord. Du nord de l'Europe. Ramin. Ouais, vous, m'appelle Ramin, c'est Bob, mon nom. C'est le menteur. Je peux-tu faire un jet de quelque chose? fait juste embarquer dans son jeu, sinon ça va juste lui mettre mal. D'accord, Bob. Allons-y pour Bob. Ah, merci. Ah, moi, je viens du Japon. Oh, vous êtes ici pour nous aider? J'apprécie vraiment, mais c'est bizarre. Ouais, ben je viens de découvrir que je fais de la magie, puis comme chez nous c'est interdit, j'ai envie de pousser ça plus loin, puis de comprendre un peu ce qui se passe avec moi. Puis, comme le portail vient de s'ouvrir, je me suis dit que je pourrais découvrir mes nouveaux talents avec des cartes, puis vous aider. Ma mère est diplomate à Barcelone, on a beaucoup de contacts en Nouvelle-Europe. Oh, intéressant. Si jamais vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'entraînement ou quelque chose, je suis un très grand wizard, un très grand sorcier. Surtout sur la magie du feu, par contre. Je ne sais pas si vous êtes sorcier ou peu importe, mais si vous avez des questions sur le feu, je peux vous aider. Non, je crois pas. Je suis un cléric. Mais si vous connaissez un très bon cléric qui pourrait m'aider... Il n'y avait pas l'un des Français. Francisque est cléric. Il est un extrêmement bon cléric. Je vais aller le voir avant de quitter. Il va falloir que vous soyez extrêmement diplomate avec lui, par exemple. Ouais, je suis très diplomate. Ma mère, c'est une diplomate. Ah, parfait. Puis vous lancez des boules de feu? Oui. Ah. Vous êtes jaloux? Ben, là, j'étais un barbare, c'est sûr. Ça serait le fun que je pouvais, mais j'étais un barbare. Ah, okay. Fait que là, pouvez-vous en lancer une là? Je vais pas lancer ça dans un château! Ah, c'est pas vrai d'abord. Vous dites ma chouette qui est en train de chier. Il y a une insecteur. Ok, fait que là on rentre dans la bibliothèque. Donc, voici la bibliothèque royale. Wow. Il y a des livres qui viennent de partout à travers le monde, sauf en Amérique, on a tout brûlé. Pourquoi? Après leur guerre et leur destruction, les anciennes générations ont comme malheureusement pensé que ça pourrait influencer les gens. De façon négative, alors l'ancien, plusieurs générations plus tôt, ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé tout ce qui venait de l'Amérique. Ça me fait penser, ça, une fois, là, en Afrique, là, dans telle contrée de l'Afrique, là, il y avait la même chose avec tel peuple. Puis c'est pas drôle, là, hein, c'est... Non, c'est pas drôle. C'est vrai. Moi, je suis très axé sur le feu. Le feu et aussi l'instruction. Ah oui, vous allez nous instruire, là, là. Non. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'asseoir dans un coin, sommeler un peu, parce que je suis plus très jeune. Vous pouvez choisir dans les livres, regardez, juste les remettre à leur place. C'est difficile. Et tous les livres, en passant, ont un tag magique. Alors, si vous sortez avec et vous essayez de nous le voler, bien... Vous pensez que je suis un voleur, là? Voyons donc. Non, mais j'ai déjà vu d'avant, hein. J'ai beaucoup d'expérience dans le vol. OK, moi, je m'en vais voir la section des livres sur les clériques. Cool. Moi, je m'en vais voir chercher d'affaires sur les artefacts. OK. Donc là, Miguel, tu peux me lancer Spot. Pas un search? Un search, ouais. Ça va servir à? À trouver quelque chose d'intéressant. Fait que là, je suis en section des clériques. Ouais. Je lance un spot pour voir si je trouve quelque chose de bien intéressant. Un search. Search. J'ai pas grand chose. À quoi, Fauchon? Un 20. Ouais. Le 20, j'ai plus 2. 6 plus 2, c'est 8. Donc, ce que tu vois en ce moment, c'est beaucoup de livres sur les clériques, sur le Dieu ou Satan. Tout ce qui est rapport avec la culture générale, dans le fond, sur les deux. Sur la magie, ce qui s'en vient, sur des affaires historiques qui se sont passées avec ça dans les whatever temps. Fait que c'est beaucoup de choses génériques. Tu vois rien de spécial qui vont... rien de magique, rien de... C'est juste des affaires générales. Puis qu'est-ce qui m'apporte ma magie, je le trouve-tu? Non. Non, je le trouve pas ce qui m'apporte ma magie. Non. C'est la foi, mais... C'est juste un peu l'histoire de Dieu puis de Satan. Ouais, c'est ça. Puis les guerres qu'il y a eu, tout ce que les... En fait, toutes les spells que les affaires peuvent avoir, que les prêtres des deux sections peuvent avoir, ces affaires-là. Un peu comme le livre de Dungeon Dragon, dans le fond. Fait qu'il y a des prêtres qui sont pour Satan, puis il y a des prêtres qui sont pour Dieu. Ouais. Comment on fait pour savoir si c'est avec quel dieu? Compris, je sais pas, je le trouve pas. Non, ça tu le dis. Ben, poche comme bibliothèque. Ben, c'est parce que c'est quoi, ouais, je ton sais, c'est ton c'est ton search qui est de la merde. C'est bon. Alex. Je fais un search. Moi j'ai plus 4. Toi tu cherches quoi? Les artefacts? Ouais, les artefacts, dans le sens je veux en savoir plus sur. Ton gros bâton. Mon gros bâton, ouais. Ok. Je vais te parler tantôt. 19. Ok. En fait, toi, tu trouves un livre qui est écrit « Le bâton du roi », yes, qui est nommé « Le bâton du roi ». Donc, quand tu le prends, tu regardes à l'intérieur, c'est comme un roman. C'est l'histoire du bâton du roi, dans le fond. Excellent. Ça explique, comme tu as écrit, c'est un bâton extrêmement puissant qui peut prendre la forme de l'arme que tu veux. Oh shit. Un plus 5 d'attaque. C'est ça! Un plus 5. C'est mais, tout. Non, c'est pas tout. En fait, en plus de ça, l'arme que tu peux prendre, c'est ça peut ouvrir des portales. C'est clair, mais c'est ce petit bâton-là qui avait ça. Ça va ouvrir des portales. Ça sort d'où ce nom de bâton-là? Tu vas t'acheter chercher ça où? Ben, c'est parce que moi, tu sais pas. Moi, c'est vrai, il va falloir que tu y poses la question. Okay. ça ouvre des portales. Ça explique. Ça dit pas exactement quel genre de portal que ça ouvre. Mais ça peut ouvrir les portales, puis... On sent dans la bibliothèque, ils n'ont pas compris ça. Quand ils disent dans ça... Ce que tu comprends aussi, c'est qu'il y a une incantation pour le contrôler. Fait que quand tu l'as dans les mains, ça peut être juste un bâton. Puis si t'as pas l'incantation, tu peux pas rien faire avec. Les autres, ils ont pas allumé. Hey, gang de caves! Non, mais tu peux aller leur dire. Hein? Non, mais je me méfie. Je vais me confier à eux autres, là. Mais, tu sais, c'est eux autres, je me méfie. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui est dans le conseil, là, pis que c'est un traître, là. Tellement! Yes! Cool. Pis c'est ça. On va peut-être le dire au roi tout seul. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, on retourne à Fernand. J'ai eu le temps de tout lire ça m'a pris combien de temps? Mais non, en fait, tu vas lire ça pendant la nuit, c'est ça. Fait que toi, tu peux plus rien faire maintenant. Je peux plus rien faire. Est-ce que tu as d'autres questions pour le roi ou pour ouais, les... Oui, j'en ai une. Ok. Dès que ça revient à moi, puis là, soudainement, je suis en train de faire rire le roi, puis j'avais ma main sur son épaule. Puis, vous êtes drôle, je lui prends un autre verre. Puis je pose la question, ouais, mais c'est quoi le deal avec le chevalier d'argent? On veut des photos. Et, en fait, c'est mon amie d'enfance. Oh. Jeanne. Elle s'appelle Jeanne d'Argent. Ok, mais c'est vraiment pas un secret que ça me fait. Non. Ok. Jeanne d'Argent. C'est mon amie d'enfance. Nous avons étudié en Shindia ensemble. Elle étudiait plus paladin, moi j'étudiais plus le fighter. Mais nous avons passé notre jeunesse ensemble. Et quand on a grandi, elle est devenue ma garde du corps, dans le fond. Extrêmement sérieuse, elle est totalement le contraire de moi. Moi, j'aime ça avoir du plaisir, boire de l'alcool avec mes amis. C'est sûr, maintenant que je suis roi, je suis un peu moins festif. J'ai pas le choix. Mais... Et c'est comme ma raison, dans le fond. C'est ma conscience, ma raison. Depuis qu'elle est jeune, elle est... Dieu lui envoie des visions. Il envoie des visions de choses, de l'avenir. C'est des images. Elle est jamais trop sûre de c'est quoi qu'elle reçoit. Et je crois qu'elle prend ça vraiment beaucoup trop au sérieux. Elle devrait avoir du plaisir avec ça, mais je comprends pas. Donc, elle a décidé de me protéger depuis notre enfance. Et moi je l'aime beaucoup. Donc elle est très forte et j'ai du plaisir avec elle. Des fois je la niaise un petit peu. Donc c'est plus une sœur que... Ouais. Ouais, je crois. Okay. Ouais. C'est intéressant. J'aurais-tu d'autres questions pour lui? Si vous n'en avez pas d'autres, vous allez aller vous coucher, excepté Alex qui va lire ses livres pendant... Je dormirai pas. Ben moi, je fais quoi? Je suis où? On prépare-tu nos spells, là, aussi? Ouais, il va falloir préparer vos spells. Ben ouais. Toi, t'es encore dans la bibliothèque, mais si tu veux aller dormir, tu peux aller dormir, ou sinon tu peux continuer à chercher. Ben, en marchant vers l'extérieur, par télépathie, je parle à Eamon. Puis je dis... Bob! Non, mais il sait c'est qui, là. Moi, je sais c'est qui. Il a même pas fait un... Michael l'aura dit! Ben c'est pas grave. Il nous l'a montré, c'est ton père. Ben ouais, mais c'est pas grave ça. Moi je t'ai dit, je croyais Fernandine. Ben oui, non, je croyais. De toute façon, j'aime ça tenir avec ça. Ramine. Hey, tu veux de quoi, c'est malade. C'est ça, t'as-tu trouvé de quoi? Ben c'est malade, mais non. T'as beau, Alex. C'est malade, là, j'ai trouvé de quoi extraordinaire. Est-ce quelqu'un qui veut le. Ça? Fait que Ramine. Ben, j'ai trouvé un livre, là, c'est malade, moi, le lire, là, parce qu'il a l'air pas pire, là, mais. Mais t'as vraiment trouvé quelque chose d'intéressant? Ben oui, avec ça, c'est clair qu'on va tout sauver tout le monde. Ça parle de quoi? Ça parle d'un gros bâton. quoi? Un gros bâton. Là, ça parle de bâton magique, le bâton du roi. Oh, c'est... le bâton du roi! Tu connais ça? Oh, ben non, je connais pas, mais j'étais curieux. Il l'avait pas avec lui, hein? Est-ce qu'il l'a avec lui, le bâton, on le voit? Non, ça s'appelle le bâton du roi, mais on sait pas. Mais c'est un des noms, en France, que j'ai... Tantôt, j'en ai parlé au roi, là, je disais, est-ce que vous avez le sceptre de Pharaon Céleste Spécial III, ou aussi connu sous le nom de bâton du roi? Ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà entendu parler de ce bâton dans mes cours d'histoire. Mais comment vous, barbare, connaissez ce bâton? Ah, oh, ben tu sais, j'ai des contacts, là, ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai comme notre... pas notre druide, là, mais notre sorcier du village, là, où je viens, là, tu sais, il nous a dit, hey, bâton, c'est une selon vieille légende, puis là, ben, je suis tombé là-dessus, dans une petite petite coupure de journaux, puis tu sais, ça m'a mis ici. Puis de quel village tu viens exactement? De quel sorcier? Comment quel sorcier? Le sorcier, ouais. Ben mon petit village dans le nord, tu connais pas ça, là. C'est dans le nord de l'Europe, là. Toi, tu viens du Japon, là. Ah, mais j'ai étudié l'histoire, je connais. Tu connais l'histoire, hein? Tu connais pas la géographie. C'est ce qui est bête, ton bonhomme, ça a fait de sens. Tu connais pas la géographie. Ouais, mais je vais lire le livre, étant donné peut-être qu'il n'y a rien dedans. Parfois, on s'en reparlera demain, je suis fatigué, j'allais me coucher. C'est bon. Donc, vous allez vous coucher? Ouais, puis je fais un clin d'œil au roi avant de partir en disant comme tu sais où me trouver. Bonne nuit, cher guerrier. Bon. Fait que là, vous allez vous coucher. C'est un clin d'œil d'invitation. Dans ce cas-là. Je sais pas, en réalité, je suis parti. Ok. Fait que là, on choisit ses spells. Ouais, vous choisissez vos spells. Ben, t'as pas un petit préambule à faire avant? Qu'on puisse les choisir en conséquence? Ben, tu sais tout ce que t'as à savoir la sur la tour de la porte. J'ai bien fait de poser des questions. Ok, vous êtes prêts? Oui. OK. Donc, c'est le matin. Donc, vous vous réveillez, vous vous habillez, vous prenez vos armes, tout ça, parce que là, aujourd'hui, c'est important que vous... Moi, je prie Dieu. Oui, pour avoir vos spells. Alex, il summon son barbare en lui pour avoir ses spells. Vous savez, Bruce. Donc... Ben, moi, j'ai, en fait, j'ai lu mes livres. C'est tout mon livre de... Mon grimoire. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, fait vous savez pas, là? On était-tu dans la même chambre? Non. On avait chacun notre chambre? Ben, en fait, pas chacun votre chambre. Vous aviez plutôt des lits dans... Un peu partout dans l'enceinte. À moins que vous veniez de Paris, là, vous aviez votre maison à l'extérieur. Non, je viens pas de Paris. OK. Donc là, vous vous rendez tous à la tour de la porte, qui est quelques kilomètres plus loin. Je tiens juste à rajouter que je n'étais pas dans ma chambre, je t'avais donné un massage. Ou... Non. Non. On n'est pas dedans? Non. Et willing for... Là, tu pousses un peu trop. Pas le roi, l'autre que j'ai. Ah, l'autre! Ok. Ah, le petit, ouais. Le petit nom? Le petit nain. C'est ma parole. Ouais. C'est pas un nain, c'est avant un nom. Rani. Rani. Et là, il est vraiment de bonne humeur. Ah, tu vois. Viens-tu avec nous pour nous aider? Non, lui, il fait partie d'une autre équipe. On pourrait jumeler les deux équipes ensemble. Fait que, donc, vous vous rendez à la tour qui est une couple de kilomètres plus loin dans la forêt autour de Paris. C'est qui nous amène là? On y va de même d'instinct? Non, c'est que là, les gardes vous amènent là-bas. Il y a le roi avec escorté jusqu'à là-bas avec tous les autres héros, puis lui. Donc là, vous arrivez devant une grande tour. Ouais, à pied, c'est pas très loin. Et vous arrivez à la tour qui est très, très haute. Ça fait à peu près 7 étages. Très, très haute, c'est 7 étages. Parce que, non, c'est, pour eux autres, c'est quand même assez haut. Ça me rappelle la tour du magicien... Géro Tibit qui avait justement summoné beaucoup de golems dans le temps. Vous savez, là, c'est, je pense que c'est en Allemagne. Là. À qui tu parles, Ramène? Ben, je suis pas là au gardien. À qui tu parles? À tout le monde, là. Ah, à tout le monde? Oui, j'ai. Ouais, okay, tu ne parlais pas à moi ou. Ben, je parlais à tout le monde. Je t'ai fait partager des effets intéressants, je trouve. Ouais, ouais. Donc, Francisco, il se met en avant de tout le monde. Puis là, il fait... Il me tire dessus. Moi, je cours partout parce que je suis de... Chers héros et guerriers, voici la tour de la porte. Vous le voyez, vous, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de porte. C'est un drôle de nom pour une tour. Y'a-tu juste notre équipe puis les gardes? Puis non, il y a toutes les autres équipes. Mais les... OK. Qu'est-ce que tu fais? Je trouvais que c'était le genre d'y aller. Ah, OK. Donc, chaque équipe va entrer dans la tour. Ça va être un très long test en passant. Parce que chaque équipe va rentrer dans la tour, équipe par équipe, essayer de réussir le test. Et s'ils échouent, ils seront rejetés. Et si vous arrivez jusqu'à la fin, vous serez les héros qui partiront. Nous vous donnerons les informations pour les 6 points d'ancrage des portails pour que vous alliez les détruire. Si aucune équipe réussit, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes vraiment dans le trouble. Pas de stress. Je suis persuadé qu'au moins une équipe ici va réussir le test. C'est nous autres. La nouvelle Europe est renommée pour ses guerriers et ses héros. Je suis certain qu'une équipe d'ici va réussir. Je suis du Japon, moi. Vous allez voir, c'est le Japon qui va vous faire gagner. C'est vrai. Donc, en haut de la tour de la porte, il y a un parchemin avec une incantation que la mère du roi, Corentine Sadim, voulait que les héros aient pour leur mission. Vous devrez donc le ramener. C'est un parchemin extrêmement important pour votre mission. Il est en haut de la tour, sa tour? En haut de la tour, au 7e étage. Dans la tour? Dans la tour. OK. Donc! Il a renvoyé sa chouette. Ben c'est ça! Ouais, vraiment, mais non. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, là, c'est une tour. Hein, c'est un gros dildo. C'est ça. Donc, première équipe! Là, il nomme 3 personnes. Je vais dire ça. On va toutes les voir trouver la porte. Non, là, les 3 personnes avancent, puis à un moment donné, disparaissent. Ben voyons donc, disparaissent dans la tour? Ou... Non, en allant, la tour est ici, mettons. Ils marchent vers la tour, puis à un moment donné, disparaissent. Dans un nuage de fumée? Ou... Non, ils font juste comme disparaître. Comme les effets spéciaux quand le monde disparaît dans les années 80? Là. Genre. Exactement comme ça. Donc, là, tout le monde est... Tous les héros, les guerriers sont... Oh, shit, wow, qu'est-ce qui se passe? Viens là. Est-ce que vous avez vu ça? Ils ont tous disparu. Qu'est-ce qui se passe? plus tard, à peu près une trentaine de minutes plus tard, les trois héros ressortent, genre tout battus, un peu de sang. Ils font, en sortant, ben, vous les voyez pas sortir de la tour, mais à un moment donné, ils font juste apparaître. Ils sont comme, attention les gars, c'est vraiment dur! Oh shit! C'est, ok, c'est équipe par équipe. Équipe par équipe. Wow. Fait que là, la première équipe s'en va. Puis au courant de la journée, c'est ça, les équipes passent une par une, une par une, une par une. Puis à un moment donné, Francisco et ça. Bon, prochaine équipe. La meilleure. Bob. C'est moi, le barbare. Etsuko et Fernandir. Bob. Moi, j'étais tellement énervé que je suis rentré en premier dans la barrière. Puis là, vous passez. Puis là, les gens sont, oh, ils ont disparu. Mais vous autres, vous les voyez encore en arrière de vous autres. Yeah! Je me mets tout nu! Donc, c'est ça. Vous vous rendez à la... Vous pouvez marcher jusqu'à la tour. Est-ce que vous voyez à la tour... quelqu'un veut faire spot? On peut tout faire spot. Faites tout spot. Pour faire quoi? Pour savoir qu'est-ce que vous voyez dans le fond. Ah. Ish. 6 plus. Faites-tu noir? Non, c'est le jour. Ah, ben j'ai juste... J'ai 9. J'ai 16. Ah. Oh, OK. Fait que Fernandir et Bob... Ils voient. Okay. Ils voient absolument rien. Les autres sont comme. C'est une tour? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils voient rien devant. Ils voient. Ah, ben non, ils voient la tour, mais ils voient pas la porte. Ah, c'est pas un search que tu voulais, en fond. C'est un search, un spot. Mais tu peux trouver une porte, dans le fond? Non, c'est vraiment. En fait, vous touchez pas. Vous arrivez, puis vous faites juste regarder un spot. Etsuko, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un genre de mini glitch. Genre, devant lui. Sur la structure de la tour. Hey les gars, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Un glitch électronique? Non. Vous avez rien vu? J'ai vu un glitch au loin en avant. Baby. Ah. Je peux-tu faire un Detect Magic? Oui. Tu n'utilises pas tes spells de suite? Tu utilises tes spells de suite? Mais c'est comment ça marche les spells? On peut les utiliser comme on veut? Non, une fois, mais après, faut que tu te reposes pendant une nuit de temps normalement. J'ai une seule magie, une fois, il faut que je me repose. Non, mais en fait, toutes les spells que toi, tu peux les utiliser toutes une fois. Ok, avant que je me recouche. Ouais. Ah, bon, ok. On va attendre un peu, voir ce qui se passe. Fait que je vois le glitch. Ouais. On est devant la tour? Ouais. Fait que là, ben, il nous montre le glitch. On le voit-tu? Le manager. En fait, c'était juste un. Tu sais, comme un. Il y a quelque chose là en avant, pas loin, j'ai vu. Il y avait quelque chose. Okay. Est-ce que c'était un spot en particulier ou c'est vraiment comme toute la tour qui a glitché? C'est comme le. C'est comme un bout. Tu sais, il y a comme un grand mur devant vous. Ouais. C'est comme juste un. Tu sais, comme. Ça a l'air comme un gros rond. Ok, mais on va. Là, on peut faire un search pour trouver la porte. Ouais. Là, je ferai un search. On peut juste s'approcher puis faire. Non, on cherche la porte. Tu peux faire ça aussi. Ok, mais je me rapproche puis je tente la main. Fais un. C'est un search. Hein. Tente la main ou est-ce qu'il y a de. Ouais, je fais la même chose moi aussi, j'avance puis je fais un search. Search, j'ai un plus 5. 19. J'ai 15. Ok, ben tous les deux. Sinon, 21, excuse. Tous les deux, vous sentez quelque chose en. Genre, sur le mur qui. Tu sais, normalement, le mur devant vous, il est très droit, il se lisse et slim. Mais là, vous sentez comme des nivellations dans le mur droit, ce qui est vraiment bizarre parce que ce que vous voyez et ce que vous touchez est complètement différent. Est-ce qu'on peut tâter jusqu'à temps qu'on trouve peut-être une poignée, quelque chose? Mettons, moi, je fais ça, là, tu sais, j'essaie de trouver une poignée à quelque part. C'est un spell, ça. Fait que là, je peux essayer de trouver c'est quoi le spell en faisant un spellcraft. 13. Tu sais pas c'est quoi le spell. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que vous avez appris des trucs hier soir quand vous êtes allé jaser au sage ou au conseiller? Méridique. Au conseiller? Ben non, moi je suis juste allé à la bibliothèque, j'ai lu quasiment toute la nuit, je suis fatigué. Puis toi, je sais qu'il y a une porte, mais elle est cachée. On la voit pas la porte, mais il y en a une. Puis je pense que c'est ça qu'on a trouvé, la porte. Mais là, je peux tenter la porte jusqu'à temps que j'essaie de trouver une poignée. Est-ce que je finis par trouver une poignée en tentant la porte? Fais search encore. Un autre search? Je n'ai même pas fait de search. Je crois que 16 plus 2, 18. En fait, ce que tu trouves, c'est une poignée. OK. C'est une genre de poignée. Puis je le sais que c'est une poignée. J'essaie de l'ouvrir. Oui, elle est à la même bonne hauteur, comme si c'était une vraie poignée. OK. Puis si j'essaie de l'ouvrir en réalité. Là, je tourne la poignée, puis je rentre. J'essaie de rentrer. la porte s'ouvre, puis vous pouvez rentrer si vous voulez. Ouh! Moi, je veux pas, puis je m'en vais. Ouais? Ah! Bon, yeah! Fait que là, okay. C'est quoi quand. Ok, fait là, vous rentrez les trois. Ouais, faut-tu qu'on mette ça? Okay. J'ai parlé à Brie. Là, vous êtes au premier étage de la tour. Déjà? Ce que vous voyez, c'est le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée de la tour. Ce que vous voyez, ce qui est un peu étrange, c'est que quand vous rentrez, l'espace a l'air vraiment beaucoup plus grand que la tour allée. Puis, sauf que c'est plat, il n'y a rien. Tout ce que vous voyez au loin, il fait très très sombre. Il fait noir, les murs sont noirs, sont peints noirs. C'est tout en roche, marbre. Tout ce que vous voyez, c'est une petite lumière au loin, rouge. Minuscule, genre. Donc, c'est ça. C'est dans l'air vraiment gigantesque. C'est très écoé. Oh! Mais gigantesque, c'est large? C'est long? C'est très large. C'est comme un très grand cercle. Encore? Ouais, un très, très, très grand cercle. Je regarde, je fixe le spot de lumière rouge, puis je commence à marcher, slash, quasiment courir vers le spot. OK. En fait, mettons que ça, c'est le plancher. Hein. Vous êtes là, à la porte. Ça, c'est le plancher. Ah, c'est pour ça que tu fais ça. Puis le spot rouge est... Il est à l'autre bout. Il est loin, l'esti. Tu vas courir longtemps. Yo, guys, c'est vraiment plus profond hein, qu'on pourrait penser. On pourrait penser. Ça me rappelle, justement. Oh my god. La fois que c'était vraiment profond, là. Ouais. C'est la fille que j'ai... Brie, elle nous a dit aussi que les bracelets allaient vraiment servir à quelque chose dans la tour. Mais ça sert à rien, rien, ici. Là. C'est je sais loin. Pas. Mais il faut trouver le deuxième étage, parce qu'il faut se rendre au premier étage. On va aller voir le spot rouge. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est du quelqu'un d'autre? C'est le spot rouge qui va nous emmener au premier? Ben, c'est la seule affaire qu'il y a. Ou, là, pense à côté. Toi, t'es un elfe, là? Ah, on va laisser le roublard y aller plus vite que ça. Ouais, moi, je vais pas vite, je vais juste à 20 pieds. Mais en tant que demi-elfe puis elfe, est-ce qu'on... avec notre low light vision, est-ce qu'on voit quelque chose de plus? Non. Moi, j'ai même pas le low light vision, fait que je vois rien avant tout. Toi, tu vois rien avant tout. Mais c'est fait clair, non? Là, on a pas de torche en plus. Oui, attendez. Je vais faire une magie. Ben, tu vois le point rouge au bout, mais il peut y avoir plein de choses entre le point rouge et le début, non. Parce qu'on voit rien. Je vais faire ma magie light, ce qui crée une torche sur n'importe quoi. Oh! Mais ça va quoi? Tu l'as sur ma tête comme ben, ça? Ben, il faudrait lire c'est quoi la magie light, je pourrais te dire exactement. Non, mais en fait, c'est toi qui décide. Tu pourrais le mettre genre au bout d'un bâton, un bout d'une épée... Je le mets sur mon armure. Ok. Mon armure devient une lumière. Ok. Ok. Ok. Fait que là, cette magie-là est utilisée. Je sais pas c'est combien de pieds qu'on voit par exemple la light. Je suis en train de checker. Light, ben light. Là, j'attends ce jour. Si c'est 20 pieds, je la fais pas. Light, qui choisit l'objet, ça va durer 10 minutes seulement. Parce qu'on est niveau 1. Spell cause an object to glow like a torch shedding bright light in 20 foot radius. Fait que 20 sur 20 pieds. Ben en fait, 2, 3, 4, bright light et dim light for an additional 20 feet. Fait que, dans le sens, eux ils vont voir mieux. Moi, je ne verrai pas grand-chose après 20 pieds. Eux vont continuer à voir après 20 pieds. Okay. Ben, eux vont voir jusqu'à 40 pieds. Okay. Fait que jusqu'à 40 pieds, Miguel, tu vois absolument rien. Il n'y a rien de spécial. Il y a un plancher en marbre qui est très, très beau, soit dit en passant. Moi, je serais rendu jusqu'à où, mettons? Tu avances de combien? C'est combien feet que tu as, toi? Il est 30. 30, fait que tu avances de 30. Ben, de 5. Un carreau, c'est 5 feet. Fait que Miguel, tu vois, il y a rien devant toi. Il y a rien, mais je vais avancer moi aussi, comme ça on va voir plus loin. 6, on a 6 carrés, Miguel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est bon. Puis moi, j'avance. C'est où qu'on sait combien on avance? T'es dans speed. 30. Mais, genre là, t'as utilisé de la magie, mais t'as-tu fait descendre de quelque chose? Non, c'est magie, c'est juste qu'il n'y a plus le droit d'utiliser pour le reste. Mais est-ce que ça me compte comme une action que je peux plus avancer? Non, en fait, c'est un standard action, t'as le droit de faire un move action comme marcher. Ah, ok. Fait que j'ai fait mon standard action. Ouais. Puis là, je fais mon move qui est 30 pieds. Toi, c'est 20 pieds que t'as fait, hein? Non, il a fait 30. Moi, c'est vrai. Fait que je te suis, mais on voit toujours une lumière alentour. Ouais, fait qu'on voit plus profondément. 40 pieds plus loin devant toi, tu vois rien. Il n'y a rien de spécial. Point rouge, il faut aller voir. Bon, ben moi j'avance aussi. 1, 2, 3, 4. Allez vite, guys. Parce que sinon, ce que j'aurais dit, c'est tu sais, j'avais ta magie plus bonne, mais j'aurais dit on utilise un de nos arcs à flèches, puis on pitch une flèche vers. Avec ta lumière au bout, puis on la tire sur le mur là-bas. J'ai mis sur l'armure. Ouais, mais je l'ai mis sur l'armure. Ouais, tout late. Mais c'est vrai, la prochaine fois, on faut pas penser. Puis la flèche, elle est restée par terre, puis elle aurait éclairé tout haut. Alors, on a peut-être vu le monstre qui protège la lumière rouge. Et puis on va se faire On va lancer le dé d'initiative juste pour voir qui joue en premier ici. C'est quoi le dé d'initiative? C'est le 20. Plus votre initiative modifier. 14 plus 2, 16. Plus le quoi? Plus ton initiative modifier, mais je pense que c'est la même. J'ai 12. 11. Ok, donc c'est Mickaël, Miguel, Alex. Allez, mec. C'est à toi. Je suis en train de me dire que la foutue lumière rouge, c'est peut-être comme le poisson en dessous de l'eau. C'est peut-être le bust. Le poisson en dessous de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Non, mais je veux dire, tu sais, le poisson, ouais, là, c'est une lampe torche. Est-ce que la lumière bouge ou. Non. Elle est fixe. Mm-hmm. On sait toujours pas ça vient d'où exactement, ou juste un point rouge là-dessus. Vous n'êtes pas encore assez proche pour voir de où est-ce que c'est. On voit à peu près jusque-là. Ouais. Ouais, mais ça dégage une lumière, c'est quoi pareil, mais. On n'entend rien. Non. À part votre écho quand vous marchez. Est-ce que je peux crier, savoir si c'est quelqu'un? Mm-hmm. Hello, hello! I don't know why you say goodbye. Qu'est-ce que je pourrais faire à part juste foncer dans le tas? Puis le plancher, il y a pas un particulier. C'est un très beau plancher de marbre. D'accord. Ouais, j'ai pas. Il est propre? Très propre. S'il est pas propre, tu commences à laver. Puis il y a vraiment juste la lumière rouge. Ouais. Est-ce qu'on voit encore la porte en allant nous autres? Bonne distance, oui, vous la voyez encore. Elle n'a pas de bizarrement. Je vais changer de lumière sur mon arbre. Okay. Vous pouvez quitter, vous pouvez abandonner le test. On abandonne. J'ai trop peur. On continue. Si on part, on est éliminé, ça finit. Genre, la game est finie, bon, ben c'est fini. Alors, puis on a deux bracelets, right? Ouais. Vous avez à chacun un bracelet. Chacun un bracelet? Ouais. Yo, guys, on essaie quelque chose, ok? Ouais. Hey. On met tout notre bras en avant comme ça. Mais il est en arrière, lui. C'est en arrière, ouais. Hein. On a des bras de 10 pieds de long, fait qu'on va ça. Il y a juste moi et toi, Frank, qui est à côté. Ah, je suis pas barré. 10 pieds de long, ouais. Puis on crie Power Ranger. Morphing time! Je voulais que les trois, on les touche ensemble, voir si ça va faire quelque chose. On les frotte comme c'est notre magie. Les effluves. Fait que là, vous m'attendez. On continue à avancer parce qu'on voit là, alentour. Est-ce que vous m'attendez? S'il y a des pièges, il y a des trucs, moi je t'attends pas. Qu'est-ce que ça fait? Ah, tu fais ça, Fern. Qu'est-ce que tu fais? Je continue à avancer. Ben, avance. 6. 1, 2, 3. Il peut courir s'il veut. Là. Mais il reste dans la lumière toujours. Ben, si ta lumière est quoi? C'est 40 pieds? C'est 20 pieds. 20 pieds. Ben, c'est 20. 20, 20, il fait 40, ouais. 40. Donc, il est sorti. Ben, il est encore dans ta lumière. Fait que ben, c'est ça. Parce qu'il y a 20, c'est clair. Après ça, c'est 20 ou c'est. Dans moins. Le light. Ouais. Dans la lumière. Fait que je te vois. Tu le vois encore. Okay. Moi, je le vois pas. Puis lui, il voit un petit peu alentour de lui aussi. Ouais. Puis là, c'était qui next? C'est Miguel. Je peux te faire un spot, genre, pour essayer de trouver ou comprendre un peu plus l'environnement? Fais search. Un search, mais si je sais pas ce que je cherche. Un quoi? Un smell. Je vais faire un. Attends, pas un spot. Chouette, hein, voir. Je vais essayer de spotter, voir s'il y a pas quelque chose alentour. 12 plus 6, ça fait 18. Tu vois rien. Il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Ben, j'allonge, je suis Mickaël encore. Ok. Allez. La lumière avance, hein? Ouais. 1, 2, 3, 4. C'est loin de nous, mais t'es toujours dans le rire du. Yo, Bob, ça va derrière? T'as fini ta game? Je suis pas sûr. Je vais faire Read Magic. Detect Poison. Non, je fais rien. Nickel. Fernandir, vas-y. La lumière, est-ce que la lumière change? Elle reste toujours aussi rouge? Toujours pareil, rouge, petite. C'est le même ordre de. Ouais. Ça va être de même jusqu'à temps que ça, le level finit, genre. Okay. Il n'y a peut-être rien d'hyper particulier à faire. À fond, on va juste trouver une place pour monter, puis ça, c'est le premier niveau, fait que t'es comme, t'as rien à faire. Il y a peut-être juste des marches. Ok, je prends mon arc à flèche, puis j'essaie de viser la lumière. Ok. T'as un arc à flèche, toi? Ouais, sur quel opposant je pense que mais ouais, c'est ça, combien de pieds? À 30. Non. C'est pas un light crossbow. Moi j'ai une longue bow qui tire à 100 pieds. J'ai un end crossbow qui tire à 30 pieds. 100 pieds, c'est nickel. Mais moi je pourrais le faire. J'ai une longue bow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 60. Je me rendrai. Ouais, ok. Ben. Ok, ben je reste là, je bouge plus. Ok, Miguel, c'est à toi. Je prends mon arc à flèche, puis je tire. J'essaie de viser la petite lumière rouge dans le fond. Comment je sais que ça fonctionne ou non? Un des 20. Un des 20. Puis tu rajoutes ton attaque de base de ton arc. Mon attaque, c'est un des 8. Non. Ton base modifier, ton modifier à côté. Combien de temps? De quoi tu parles? Ton base, c'est attaque bonus. Il n'en a pas. Bon, ben, tu rajoutes rien. T'en étais 0 à attaque bonus pour ton arme. Puis... Ouais, 0 à mon. J'ai 0 attaque bonus nulle part. Ouais, mais c'est normal. T'as ton strength et ta dextérité, c'est quoi? C'est 0. 11. Tu manques. La lumière, elle arrive juste à côté. Mon petit affaire. Ben, moi, je continue à avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que toi, t'es dans le noir. Tu vois plus rien. Ben, tu reviens, tu m'en rejoindre, pas loin. Ouais. À moi, de toute façon. 1, 2, 3, 4. Non, il peut pas aller sur la même case que lui. Mais non, ouais, on va tous se toucher. Fern va être content. C'est à toi. Je barre pas. C'est à toi, Fern. On sait que tu mords. Ah ouais, c'est vrai. Fuck, je peux rien faire, moi. 30 pieds. Ah non, je vais faire 4 ici. Parce que je vais être plus dans sa. Proche de son champ lumière. Tu spots le cul, c'est ça? C'est ça. Vous êtes dans le low light, là. C'est ça, un, deux, c'est moi je vois pas grand chose, mais moi je te vois pareil, juste que autour de moi je vois pas grand chose. Parce que moi je vois pas dans le low light. Je suis juste... Me sens. Est-ce que je perds une flèche? Ouais. Il y en avait combien? Ben, ouais. Je sais pas combien t'en avais, là. Ben, 40. Okay. Une fois un efface. On peut-tu courir? Ça fait ça, ouais, je peux. Miguel, c'est toi. Déjà? Ouais. Mais pourquoi je retente de tirer encore une flèche. Ok. J'ai gaspillé mes munitions à cause de tout et Fern. Mais c'était une bonne idée, Fern. Hey, c'est à côté de moi. La lumière m'a attiré. C'est pas sur moi, s'il te plaît. Ah, mais là, c'est un critique, non? 18. C'est un critique, je pense pas. C'est combien de critiques? 18, c'est pas un critique. C'est juste X3. Fait que ah, t'as pas de critique. Ta flèche. C'est quoi X3? X3, c'est multiplié par 3 ton dommage critique. Ouais, mais ça me dit pas si c'est un critique. Non, c'est 20. Faut que t'aies un 20 pour avoir un critique, okay. C'est tout. Fait que là, ta flèche, elle poigne le piton rouge. Puis là, les portes. Il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Puis il y a de la lumière blanche qui sort. On le savait? C'est tout. Mais est-ce qu'on voit? À cause de la lumière blanche. Ouais, ça voit à peu près genre à une vingtaine de pieds. Ok, fait que ça resserre, je vois. Fait qu'on voit tout là en avant. Exact. Très très bien. Ouais. Puis c'est des deux portes, puis on voit juste la lumière. Ouais. Mais rien. C'est cool. Ouais. Ben, je vais avancer. Je suis très proche des portes. En fait. Puis les portes se referment. Quand tu cours là, tu peux courir à 4 fois ta vitesse normale. Mais tu sais, si tu fais ça, tu fais tout ton tour, dans le sens que si tu veux vraiment juste courir, tu peux, là. Ok, ça fait que c'est 4 fois. 4 fois. Tu fais plus rien après ça. Ouais. Fait que quelqu'un. Là, est-ce que le bouton est juste à côté des portes? Ouais. Fait que faut peser sur le piton puis rentrer. Mais quand tu fais ça, là, tu sais, c'est ça. T'sais, si quelqu'un t'attaque, tu seras pas alerte dans le sens que tu essaieras pas de l'éviter parce que tu cours, là. Tu sais, vraiment, tu. Comme t'as plus de... C'est sûr que ton armure te protège encore, mais en tant que tel, tes réflexes pour t'esquiver, tu l'as pas. Oui, bon, je vais essayer d'éviter de courir. Ben, c'est toi, Alex. Ramine, est-ce que tout se passe bien en arrière? Ouais. Il va faire noir, là. Ouais, il fait noir, je vous vois en arrière, là. Correct. Fern, c'est à toi. Faut pas juste le prendre dans mes bras et la porte est ouverte. Il est trop loin pour que tu le prennes dans tes bras. Ben, tu peux m'attendre. Si t'es assez fort, quoi, t'as pas l'air très fort. Non. Arrête de me geler, Bob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu cours dessus, tu pourrais courir jusqu'au bout. Hein? Ouais, ça sert à rien, lui, il va être pogné dans la pièce. Mais c'est pas tout seul. Ça prend juste une personne qui va chercher les choses en haut. Hein. C'est quand on fait une bonne équipe. Ouais, hein, c'est vous. Ben non, mais on. Vous apprenez à travailler ensemble, c'est bien. C'est à toi, Etsuko. Etsuko. Ben, j'avance proche du bouton. Mm-hmm. Je suis juste en avant du bouton. Je pèse dessus, puis je laisse les portes ouvertes, puis j'attends le moment. La lumière vient. Très blanc. Ça éclate. Tout est blanc. Là, on voit rien au bord. C'est juste blanc. C'est du lait? Oui, c'est du lait qui flotte. Mais non, c'est juste blanc. C'est des murs blancs. Il y a une autre pièce. Une lumière. Oui, une autre pièce avec une lumière en haut. La pièce est grande comment? Mais je vois pas, là. Elle est grande comme... Mettons qu'elle est grande comme du mur aller à la... au divan. Ah, c'est petit. C'est un corridor. Puis les portes sont grandes comment, là? C'est-tu genre ça de large, ça de large, ça de large? Les portes sont aussi grandes que... En case, là. En case. Mais mettons que... Une case. Mettons que... 4 cases, c'est la salle, ben les portes, c'est 2 cases. Ok, fait que les 2 cases peuvent rentrer. Ouais. Ok. Fait là, que la porte est ouverte, ben ouais. Moi, je crois que c'est à moi, ça. Ouais, c'est à toi. J'avance plus, j'attends. Ok. Tu rentres-tu ou tu t'attends dehors? Me connaissant, ouais, je vais rentrer, fait que. Me connaissant, ça. J'ai 4, je suis rentré dans la pièce. Non, mais elle va sort de choses. Ouais, c'est ça, moi j'attends tout le monde, pis toi tu t'en vas, pis tu rentres. Ouais, mais je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Fucker. Je pense à rien. Si, pis je m'en vais de bord, est-ce que je peux voir, est-ce que j'en remarque quelque chose? Ben oui, je tiens le bouton. Je peux pas attaquer. Non, je veux dire, y a-tu un bouton de mon bord? Et tu cours, c'est à toi. Ben j'attends Ramin, là. Ok. Ok. Toi, tu fais quoi? Tu fais-tu quelque chose ou tu t'attends? Est-ce que je peux examiner la pièce où est-ce que je suis dedans, tant qu'à faire? Mm-hmm. Fais un search. Un spot. S'il y avait de la lumière qui sortait de bien. Ben, ça, s'il cherche de quoi, ça va être un mais search. Mais il voit quoi exactement parce qu'il est censé voir? Ouais. Fais un spot. Fais un spot. Un spot. 8 plus 4, 12. Toutes les murs sont extrêmement blancs. Très propre. Clean, très propre. Tout ce que tu vois sur le côté, c'est un bouton qui est écrit 2. Un bouton qui fait deux. À côté de, d'ici ou de l'autre bord de la pièce? À côté de l'entrée, en fait. Juste à ta droite. Fait genre, tu pourrais peser dessus, mais moi je te dis, pèse pas dessus. Non, je veux pas peser dessus. J'ai vraiment le goût de peser dessus. J'en doute pas, mais Rami arrive, là, on va être les trois dans la même pièce. Là. Et ah. Tu cours, c'est à toi. Parce que d'un coup, tu fais fermer les portes, puis on est poigné l'autre bord, puis t'es tout seul. Là. Et tu cours. Tu restes là? J'attends Rami. Oui. Allez, calmez-vous, là. Tu peux rouler au pain, t'es dans le pain. Yep. Oh my god! C'est bon, ma prochaine fois. Mais c'est les autres, on décide de pas m'attendre. Toi, tu fais quoi? Augmente ton speed à ton prochain. Ça sert à rien, ça. Je me rapproche du bouton. Ok. Mais je touche pas. Oh shit. As-tu quoi? Là, je rentre. Ok. Là, les portes se ferment. Non, je suis seul dans le noir. Je ferme une personne après. Fait que, Alex, qu'est-ce que tu fais? Une personne après? Allez, pénètre. Quatre toi dans le fond. Je rentre, là. On est tous pénétrés dans l'autre pièce. Ok, fait que les portes se ferment. Puis on peut te ressortir? C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le bouton, il est encore indiqué 2? On va juste se remettre non, ici. Non, c'est écrit en 2. Il y a encore le numéro 2, tu ouais. Fait que là, c'est 4 de large, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux refaire un search de la pièce? Ouais. C'est 4 par 4? Hein? C'est 4 par 4? Ça veut dire 4 par 4. 4 cases par 4 cases. Non, ça serait comme 2. Genre 2 de large. Ouais, fait que c'est 4 par 2. Ouais. Fait que c'est un garde-robe. Là. On n'est pas un gros garde-robe quand même. C'est un ascenseur. C'est pour aller au deuxième. Là, on est au rez-de-chaussée. Fait qu'on skip le premier. Ok, je pèse le piton. Ok. Ce que vous sentez un peu, c'est que ça bouge, ça shake un peu. Là, vous sentez que vous montez. Mais c'est bien facile. T'avais raison, on s'habitue. Pour moi, on aurait dû faire le tour, là. Je suis sûr qu'on aurait trouvé. On peut-tu redescendre après? Je suis sûr qu'il y avait quoi, c'est bien, on a dû faire. Ouais. Sur cette case-là, exactement. Non, mais dans l'ascenseur, il aurait pu faire un spot puis spotter quelque chose. Ok, on fait que là, vous arrivez au deuxième étage. T'as peu. Mais c'est le premier, mais moi, je dis deuxième. Moi, là, on est au deuxième. Là, moi, je suis dedans, là, encore dans l'ascenseur, je fais un search. Ok. Je suis sûr que, genre, un passage secret. La trappe au plafond. 15 plus. 4! 19! Ok, là tu regardes dans l'ascenseur, tout ce que tu vois c'est le bouton 2 ou le piton ouvrir et fermer porte. C'est tout. Ouh. C'est juste un ascenseur. Est-ce que les portes sont ouvertes automatiquement au deuxième? Quand tu arrives au deuxième, les portes s'ouvrent. Là, moi, je passe le bouton fermé. Ah, ben. Hey, c'est hot, guys! Camine, t'es hot, t'entends, tu nous aides. Calme-toi. Qu'est-ce que vous faites, là? Est-ce que vous rouvrez les portes ou vous les laissez fermer puis enfermer, là, vous restez là-dedans? Faut sortir, faut monter. Non, mais on n'est pas mieux peut-être aller fouiller l'autre pièce d'avant. Il y a un cachet qui est marqué 7. Non, il a cherché. Il cherche juste. Ah non, il n'y avait rien dans la première pièce. Mais, non, bon, on n'a pas checké toutes les murs, là. Peut-être ça aurait été trop long. Le but, c'est d'aller en haut. On cherchera à deuxième étage. Ok. Ok, deuxième étage. Donc, vous ouvrez les portes? Ouais. Les portes? Alors, on les ouvre comme ça. Regardez, je suis pas mort. Après avoir subtilement pèsé sur le piton qui ouvre les portes. Les portes s'ouvrent. Il fait vraiment noir, encore une fois. Tout ce que vous entendez, c'est des miaulements. Mais des miaulements, genre des centaines de miaulements. Il est chaud. Miaou, miaou. Clic poussé partout. Je sens ma chouette qui est un petit peu agitée. Miaou, miaou, miaou, miaou. Attendez des chats. Hey, les gars, je pense qu'il y a partout. Des chats. Partout. Mais c'est inoffensif, des chats. Mais, l'auto-acquis officiellement après ça. Ben, c'est toi. Non, là, vous allez relancer le dé. Okay. Mais, ok, mais là les portes s'ouvrent, on voit quoi? Des chats. Vous voyez, vous autres vous pouvez voir un petit peu en avant ici, je crois. À cause de ma lumière. Non, c'est encore noir. Encore noir. Non, j'ai ma lumière, là. Ouais, c'est ça, avec ta lumière. Minutes, non, c'est ça. Ben, ça fait que on vous voyez. Aucun chat dedans. Non, en avant de vous, vous voyez plein de chats. Okay. Ah, okay. Ils sont par terre. Ouais, vous entendez. C'est grand comment? C'est grand, le même level. Tu sais, ça va être long marché. Faites spot. Spotify. Pourquoi tu me dis de pas faire? En fait, excuse. Faites un initiative en premier pour savoir c'est qui joue. Puis après, ça, on va faire. Pourquoi tu dis qu'il faut faire un spot? 5. Toi, nous, à prendre l'initiative. Non, mais faites l'initiative, après ça, vous verrez. 5 pour moi. 5. 11. T'avais pas 18? Non, 7, 6, 19. 7, 8. Fait que c'est Etsuko en premier. Donc, le petit point, genre, c'est genre, le petit point, il faut que ça tombe en bas. Ben là, je vais faire un spot, parce que le DM a dit qu'il faut faire un spot. Un spot. 14 plus 6, ça fait 20. Wow. Hey, t'as mon spot, toi. Ouais, j'ai eu plein de wisdom. 20. Shit. Ok. Ce que tu vois en avant de toi, c'est des chats de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les affaires qui bougent pas. Ils sont juste assis comme ça, puis ils vous regardent. Puis, ce que tu vois au loin, le mur là-bas, c'est une lumière verte. C'est notre ascenseur. Non, il aurait pu pas juste faire un ascenseur à niveau 7. Est-ce que les chats sont méchants ou non? Ils sont juste assis, puis. Ils sont juste assis, puis ils vous regardent. Mais habituellement, les chats dans ce jeu, dans ce monde-là. C'est tout ce qu'ils voient? Moi, j'aurais pas vu ça, même si je fais. Ben lui, c'est parce qu'il voit un peu plus loin, mais proche et loin, c'est la même affaire. C'est des chats de toutes les sortes, de toutes les grosseurs. Ben, c'est pas des monstres, mais c'est tout des. Il faudrait faire un spot pour ça. Ben, c'est parce qu'il a vu la lumière. Toi, t'aurais pas vu la lumière. Pourquoi je l'aurais pas vu? Hey, les gars, je vois une lumière verte au bout. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment des chats sur chacune des cases ou par hasard il y a une place où il n'y a pas de chats? Il y a des places avec pas de chats. Puis j'ai pas détecté ça. Là. Oui, tu l'as détecté. Ils sont où? Ah, oh, ben là, c'est random. C'est random. C'est des. Fait que je vais marcher, mais je marcherai pas sur des chats. Ça me rappelle justement à l'île des chats. Tu marches dessus. Ah. Ben j'avance de 6, puis en évitant les chats. Okay. Tranquillement, je les regarde. Je suis vraiment suspicieux. Je pense pas que les chats c'est méchant. Fait que. Puis j'aime beaucoup les chats. Fait que j'avance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'en accroche aucun. Pour savoir si t'en accroches aucun, tu vas lancer ton D20. Ça va être le nombre de chats que tu vas rapide tu accroches. C'est un balance. C'est quoi? C'est balance. Avec balance. C'est quoi balance? Ben, juste pour te dire, moi, je viens de pogner un crit 20, fait que peu importe ce que tu lances, tu vas te faire pogner. Ben, surtout que je pense que balance, tu dois avoir un malus par cause de ton armure. Ok, fait que sans faire exprès, en marchant, tu pilles sur la queue d'un chat. Ben, pourquoi t'as fait ça? Là, le chat, pas fait exprès. Il griffe dans la face. Ah! Tu perds un point de vie. Wow! Il y a juste un point de vie. Attends, pis c'est-tu aussi profond que dans l'autre pièce? Ouais. Fait que si on fait ça à chaque fois. On meurt! On a eu nos points de vie de oui, vous les avez toutes regagnés, là. J'ai fait mon action, là. Ouais. Je peux plus faire d'autres actions. Ben, en fait, oui, si tu peux en faire un autre. Je peux faire une action. Hey les gars, je viens de me faire griffer par un chat parce que j'ai accroché un chat. Ouais, pète-y à gueule. Je me suis dit, genre, mais... je me fais griffer 5 fois, je suis mort. Je vais vous aider, ok? Non, mais toi, t'es stealth, hein. Les gars, écoutez-moi, je vais vous aider. Je vous aide dessus. Ben oui, vous êtes en équipe. Je vais lancer une magie. Après ça, tu te demandes pourquoi je te garde croche. Ben, non, faut bien que ça serve, ces magies-là. T'es-tu magicien, là? Non, je suis un cléric. Ah, oublie pas que t'as 7 étages à faire. Ben, j'ai 7 magies. Oh, oh. T'as 7 magies? Ben, je vais dormir un étage. Je vais faire un obscuring mist. Je vais faire un brouillard. Là, on est au 2. Comme ça, les chats nous verront plus. Puis on les verra plus, puis on va se faire leur plaie dessus, ils vont nous mordre. C'est vrai, si on les verra plus. Ouais! T'es sûr que c'est une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée, finalement. Mickaël a accroché. Fern a accroché 5 chats, il est mort. Bon. Ah, oh, je sais qu'est-ce que je vois. Là, on a rien, j'aurais s'en avait. Tu sais, moi j'arrive. J'aurais donné de la bouffe, mais j'ai pas de bouffe. Ok. Parce que tu voulais qu'on ait rien. Eh ben c'est parfait, ça. C'est ça, comme ça que ça marche. Numéro 2, c'était qui? Combien t'avais toi dans ton c'est moi, j'ai 5. C'était. Ah, vas-y, Fern, c'est à toi. Moi, je suis dernier. Ramène toujours dernier. Il est pas fort, fort. Attends, mais ça, c'est des chats. J'ai aucune de connaissance en nature. J'ai trop de nature. Ça met-tu des connaissances en dungeon? C'est, t'aurais dû le mettre là. Mais cherche, miaulement. Moi, j'ai cherché, j'ai cherché pour une salle, tu sais, comme plein de miaulements, puis il me donnait juste un chat. J'ai dit, oh, la merde. Ok, puis ils sont à partir de où, mettons, les chats? Ils sont à partir de. Mettons, toi, l'ascenseur était comme en dehors, mettons. Ouais. Fait que les chats commencent à peu près ici, genre. J'avance de 3 cases. Juste 3? Oui. Oui. Je me mets à genoux, puis je regarde le premier chat qu'il y a, puis j'y parle. J'y vais. Allô? T'as pas de casque, genre talking with animals, je m'excuse, mais il va te répondre à un chat. Qu'est-ce que tu fais? Son regard voulait tout dire. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un monde féerique où les chats parlent. Ouais. Est-ce que je peux essayer de tenter d'approcher ma main pour essayer de le flatter? Ouais. Ben, je vais être gentil avec le chat en espérant que tous ses amis chats ils se tassent. Comme ça peut se. Tu mets beaucoup d'espoir dans un chat parmi une centaine de chats qu'il y a là. Mais ton oiseau il peut pas parler avec les chats. Ouais! Non, t'as un oiseau! Les chats qui ont le goût de le manger. Ok, attends. Non, on avait vu une lumière verte là-bas, là. Mm-hmm. Puis, genre, à travers une craque, quelque chose de même, c'est comme encore un ascenseur. On ose penser peut-être que c'est un ascenseur. Ça doit être ça. Il n'y a pas un bouton encore à côté? Ou la porte est déjà ouverte? La lumière verte là-bas. C'est une lumière verte. C'est une petite lumière verte comme dans le premier l'étage. Peux-tu me déguiser en chat? Mais, sérieusement, je pense faire ça. Moi, j'ai utilisé j'ai un spell disguise. Fait que Fern, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est à Fern. Est-ce que je peux me mettre à quatre pattes pour avancer, comme ça, pour éviter de... De détoucher, genre? Ouais. Ok. Je vais te donner un plus 2 de ton balance. Okay. Est-ce que j'avance la même vitesse? Pourquoi il y a un plus 2 de ton balance? À 4 pattes, la moitié de ton... Ah, mais si t'as moins de chance à 4 pattes, mais là, t'as 4 choses qui touchent à terre. Ben, je sais où ce que je vois, je sais plus où ce que je vois, fait que là j'avance. Chance que ma lumière est là, si j'avais pas de lumière, qu'est-ce qui serait arrivé? Fait que j'avance juste de 4. Ben t'as déjà avancé de 3. Tu peux pas prendre en compte la lumière. 2. Ok. T'es prête? Mais Guillaume, tu peux pas prendre en compte la lumière, le fait qu'on voit les chats. Parce qu'on les voit là. Quand on marche, on voit. Comment on peut marcher dessus si on les voit vraiment très. Je vais vous donner un plus 2 de... La prochaine fois. Parce qu'on a la lumière. Parfait. Fait que là, moi, je suis à 4 pattes, j'ai de la lumière. Ouais. Fait que la lumière, t'es à 4 pattes, fait que t'as plus 4. Comme ça, à 4 pattes avec la lumière. Je préfère à 4 pattes, pas d'en lumière. J'ai 14 plus 4. 18 plus 4. Ça fait 12. Non, j'ai 14 plus 4. 18. T'es 14. Non, mais t'as pas des points dans ton balance. Fait que les chats te regardent passer. Tu leur touches pas. Ça va être long, mais de toute façon, il y a l'autre qui avance vraiment fucking lentement. T'as 14 pile poil? T'as pas de plus et de moins? Ouais, plus 4. Non, mais. 14, ok. Non, mais 14. Ah, plus 4, plus, mettons, ma balance. C'est ça? Ok. Je vais vous arrêter. J'ai fait 11, fait que tu réussis de toute façon. C'est à toi, Non! Fait que c'est vraiment des. C'est vraiment des vrais chats, c'est pas une illusion. Là. Non, c'est des vrais chats. Ah. Moi, j'enverrais ta chouette devant de toi. Ben oui, elle va se faire dessus, puis moi, je vais faire aïe aïe. Je vais le sentir là, quand elle va mourir. Bon, un disguise, c'est pas très. Je peux utiliser ça, je peux pas me transformer en chat. Pourquoi je peux pas parler aux animaux? Personne ici peut parler aux animaux? Non. No. Vous avez peut-être des langues du monde. J'allais dire que t'es un druide. Ben ouais, ben, moi ouais, toi, t'es. Non, t'es non, pas un wizard. Non, je suis un barbare. Un wizard, arrête, Ramin. Qu'est-ce que tu fais, Ramin? Qu'est-ce que tu fais? Fais-tu swimmer à travers, nager à travers les chats? Non. De toute façon, tu serais plate. Hey, les boys, là, come on. Ben là, moi, je vais faire. Ouais, le monde, un baleine, ça. À 4. Ah ouais. Mais tu fais le baleine, ça va même d'avancer. Ben là, je m'arrange jusqu'au chat, dans le chat. Là, t'as passé en diagonale. Ben là, ben, je fais un 2, mais qu'importe. Mais non, je fais un. Ils sont où les chats, là? Les chats, c'est le quatrième. Là, là? Ouais, c'est le bord du crayon. Ouais. Là, je me mets à quatre pattes. Ok. Puis je fais, c'est ça, puis j'avance tranquillement. Puis moi, je fais. Tranquillement, à quatre pattes. Mon balance. 17 plus 3, je suis à 20. Plus la lumière, plus 2. Ah, ouais. Pas plus 2 parce que t'as 4 pattes? Ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que là, vous t'avances pis t'es correct, y'a pas de choc. T'avances jusqu'où? Mais ben, t'avances un autre de plus. Hein. Oh my god! Faut faire ça tout le long, là. Ben moi, je vais jouer. Ouais. Si je fais un intimidate, ça peut-tu faire quelque chose? Pour les intimider? Ah, tu peux. Essaye. Ouais. Pour les éloigner, genre. Ouais. Essaye. Ils vont tout me sauter dessus. Vas-y. Attends, d'abord, je suis pas sûr, non? Je vais faire ça aussi, wouf. Mais vas-y, toi. Bon, mais c'est le balance qui décide si on se fait attaquer ou non. Ouais. Ben, je vais pas être comme j'ai moins 4 à balance. À balance. Enlève ton armure. Enlève ton armure, n'est pas tenu. Ouais, là, je vais acheter. Je vais pas ben acheter. Non, enlève pas ton armure. Je peux prendre un cure, fait que je vais me curer au pire. Ou laisse les autres avancer. Non. Ok, vas-y. Non, mais les chats ils se tassent pas, ça. Ils nous voient passer, puis ils nous regardent, puis ils font rien. Ouais. Je me mets à quatre pattes aussi. Puis tu sais, essayer d'en flatter un? Non. J'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À quatre pattes. Tu peux pas avancer à quatre pattes? Non, c'est la moitié de ton. À quatre pattes? Ouais. Je peux avec ces quatre pattes. Ok. J'avance de 6. Faut que le 4 pattes. Okay. Je veux me curer. Moi, Doggy Style, c'est pas mon style. Lance ton D20, rajoute ta balance. J'ai plus 2 à cause de la lumière. Plus 2 à cause. Moins 4 à la fin. J'ai 19, 21, moins 4. Ça fait 17. C'est ça. Tu perds un autre point de vie. Regarde donc. Mais comment tu te fais? Pourquoi tu fais? J'ai 19. T'as eu 19? Puis j'ai eu. T'as eu 17. Que ce soit ça jusqu'à la fin. Je vais. Je me mets à siffler puis je regarde la réaction des chats. Ok. Ça change quelque chose? Non. Ils font juste regarder pis ils miaulent. J'essaie d'être gentil avec les fucking chats, là. Bon, intimidation, je me mets à japper. Tain. Oh shit. Tu fais-tu quelque chose? On s'en fout. Parce qu'ils me regardent encore pis il se passe rien. Mais lance ton dé. Fait que là, je me lance mon dé. J'ai 12 plus 4, j'ai 16. Attends, c'est quoi déjà? Ils vont avoir peur. Les chats font puis ils se tassent un peu. Fait que là, pour avancer, tu vas avoir un plus 5. Oh shit! T'as ouvert un genre de petite. Un petit passage. Ok, ben là, j'ai fait une action. Fait que je peux pas me mettre à courir parce que c'est. La course. Ça m'a. Ben, c'est parce que courir, c'est que. Mais. Tu pourras pas courir, tu pourras pas faire le double de ce que tu fais d'habitude. Tu vas avancer juste de 30, je pense que t'as. Ça fait combien de minutes, ça? C'est que les choses donc, se sont tassées un peu. J'aurais dû le faire. Fait que je peux juste avancer, rejoindre Miguel, puis that's it. T'avances de combien, toi? C'est 6 aussi. 6? Ouais, ouais. Mais là, vous êtes dans le low light, hein? Même... Vous voyez rien, excusez-moi. Hé, on voit rien! Non, mais on les voit, là. C'est juste que nous, on voit pas. Vous voyez en avant, mais vous voyez pas en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. C'est à toi, c'est à... Y a pas... Fait qu'ils se sont tous placés, tous tassés, puis ils pouvaient pas... Ah, c'est vrai, il faut lancer, hein? T'as un plus 5 pour avancer. 24. Ouais, il te touche pas. T'as bien mieux, mais ça a influencé le fait que tu tasses. Plus que 24, t'avais plus 5, plus... Puis plus ton plus balance. Ouais. Ramine. La mienne, c'est à toi. Yeah! Ah ouais, la mienne. Mais là, ils se sont tassés aussi devant moi ou c'est juste qu'ils ont fait juste. Non, ils se sont tassés un peu devant toi. Plus devant moi? Ben, tout ça ici, là, où est-ce que jusqu'à où est-ce que Mickaël est allé, c'est un petit peu plus. C'est un plus 5. T'as fait quoi? On fait wouf wouf. J'ai fait wouf. Les chats, ils ont peur des chiens. Yeah, chien. Non, je sais pas ça. La prochaine fois, j'essaie de la pousser. J'ai le goût d'appeler un chien, là, mais. Mais je me dis, j'appelle un chien. Il est là, un tour. Ben, ça peut te sauver un tour. Ouais, mais là, je vais perdre ce spell-là pour ça. Tu peux pas juste envoyer ton oiseau qui paye sur le piton, voir si ça allait. Ah ouais, je fais ça, j'envoie mon oiseau. Mais ça sert à rien, parce que s'il paye sur le piton, les portes vont s'ouvrir, mais on n'est pas d'importe. Mais ça peut-être pas faire la même affaire que l'autre. Peut-être pas, mais moi, je pense bien cool que ça fait la même affaire. Fait que, ben, je vais faire. Moi, sincèrement, je marche qu'au bout, hein. C'est ce que je fais. J'essaie pas de trouver une formule magique. Je vais faire l'intimidation. Fait que là, ce sont. Fait que là, mais moi aussi, je vais faire l'intimidation. Ben, ils sont déjà tassés devant moi. Ils sont déjà tassés. Ah, ok. Déjà pour le plus 5. Pense à moi. Mais non, mais ça, c'était pas clair. Ok, bon, ben, j'avance. 1, 2, 3, 4. Toi, balance. Je suis petit, là. Fait que j'ai plus 5, 19, puis mon balance, 22. Plus 5, tu le prends parce qu'ils sont tassés. Ouais. Ok, ça donne 22. Bon. Il y a un chat qui se frotte sur toi parce qu'il y a un crit 20, mais il fait rien. Bon, c'est à moi. Je fais une intimidation aussi. Ok. Intimidation, j'intimide les chats. En faisant quoi? En faisant un petit flash de lumière. Je suis un cléric, je peux faire ça. Quoi? Tu veux donner plus un. Ouais. Non, non, je vais crier. Oh shit. 7 plus 1, 8. Oh boy, c'est ça échoue, je sais pas ce que ça fait. J'ai pas été assez intimidant. Il y a un chat qui t'arrive. Hein? Mais il t'enlève un point de vie. Quoi? Fucker! Je suis tellement pas intimidant, je me fais attaquer. Bon, sauf que. Ouais, tu peux avancer. Sauf que quoi? Avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que les chats commencent à bouger autour de vous. Ils se tassent? Oui, ils se tassent. Oh yes, là, il y a le gros chat. Ils se mettent en avant de Miguel, en avant de Etsuko. Puis ils commencent à se mettre une par-dessus l'autre. Ah, c'est puis là, après ça, genre. It's more frame time. Ils commencent à fusionner les uns avec les autres, genre. Puis là, ce que vous voyez à terre, c'est en boule. Ils se remettent en boule, puis tu vois une forme femelle un peu, genre. Mais après ça, elle se lève comme ça, puis c'est une femme chat qui s'appelle une Wombcat. Wombcat? Once upon a time. Wombcat? On va la mettre. 1 plus 4. Yes, on la met. On la met. 1 plus 4. Comme toi le barbare. Puis là, elle fait. Miaou. Miaou. Fuck. Vous avez. Hey, où? Elle est proche de l'ascenseur. Ouais. Okay. Vous avez attaqué mes chats. Pas fait mes pauvres petites bêtes. Non, j'ai essayé de les intimider. J'ai rien fait. J'ai juste fait ouf. Je joue avec. Mm-hmm. Je vous interdis de continuer. Ok, come back, on tourne. Il va falloir que vous me passiez sur le corps. Oh yeah! Vengeance! Ah, mais je pense que je vais reculer. Hey, il n'y a plus d'autres chats. Il n'y a plus d'autres chats. Et tout seul. Et tout seul. Pauvre petite chat. Bon, fait que là, j'ai fait mon action, je peux plus rien faire d'autre. Là. Non. C'est fermenter. Attends, on va relancer les dés parce que moi, il faut que je sache quand je vais attaquer avec la carotte. On est en mode combat. Ouais. Oups! Ben, j'ai un 1. J'ai 15. Mais je vais être non, la mais c'est juste pour le... Ok. C'est juste pour le... T'es fin. Moi, je suis vraiment fin. Mais si on change l'ordre, là. Ouais, on change l'ordre. Fait que je vais être le dernier à jouer après toi. 4. 7, en fait. 5. Ah, c'est moi qui commence. Mais j'ai 7, là. J'ai 15. Pourquoi t'as 7? Parce que j'ai un plus 3. Ah, j'ai... Ouais, j'ai 5, 7. Fait vous avez les deux, les 7? Ouais. Je sais pas si on est deux. Ok. Fait que, Ben, on relance, savoir c'est qui est dans les deux. 15, on fait avec moi. Pas de fille. Juste 4. À l'avance de 4. En avant? Ouais. C'est qui? C'est moi? C'est toi? Eh, déjà? Ouais. Courir, venez me sauver. Bon, ben, moi, je prends mon temps. Je suis là courir, je viens de sauver. Bon, je prends mon temps. Je prends mon temps, je prends mon arbalète, je la load. Voilà, je suis prêt. C'est ce que je peux faire, malheureusement. Je vais essayer de la poignarder. C'est bon, ça. Non, peut-être pas. Non, je vais rester là, moi, je l'attaque. Jusqu'à la mort. Je l'attaquerai pas d'abord. C'est moi? Oui. Ouais, c'est parce qu'il a juste chargé son arbalète, c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est long, charger un arbalète. J'en doute pas. C'est pas qu'elle est grosse, ok. Pas vraiment. Je vais avancer. Faites bien ça, guys. Crager du feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crager du feu. Un rogue. Je summon un Bahamut, puis je la tue. Ouais! Hey, c'est juste le deuxième niveau, hein, guys. Je vais attendre. Que je vais essayer de parler. Parler? Ouais. T'es tellement aimé. Ouais. Je vais essayer de parler différemment. Il faut essayer de faire des affaires. C'est l'homme de la paix, mais je veux pas attaquer. Je crisse mon poche juste. Ah ouais, je peux faire un jet de Knowledge Dungeon, ça va sûrement m'aider. Ok. Ça va peut-être être une arbalète? Ben moi, en fait, j'ai chargé mon arbalète. Tout en chargeant mon arbalète, je fais un dungeoneering knowledge. Ok. Je sais pas si ça va faire de quoi, peut-être genre plus de connaissances sur elle. Sur elle? Ouais. 15 plus 8, 23. Ok, ce que tu sais sur les 1 plus 4. Je sais pas si ça aide le dungeon. Dungeoneering. Bon. Ce que tu sais sur les 1 plus 4, c'est que souvent c'est des humains qui ont été transformés en. 1 plus 4 are all born from ancient shaman curse. C'est un curse, un ancien curse de shaman. En fait, ce que tu sais aussi, c'est qu'en général, ils ont. Pourquoi tu donnes ces infos? Parce que j'ai fait. J'ai beaucoup de connaissances, je veux savoir s'il y avait de quoi que je. Okay. J'ai trouvé un. En fait, en général, c'est comme si c'était morpheux, des fois, ils attaquent souvent avec leur pouce, c'est elles sont assez grises, guys. Qu'est-ce que tu disais? Je vous dis télépathiquement, c'est sûr, c'est grave. Ils détestent tout ce qui est holy, tout ce qui est religieux. Oh, tu te risques de te faire attaquer. Tu te risques de te faire attaquer, guys. Mm-hmm. Ouais. C'est à peu près ça. Il n'y a pas de point faible. Il n'y a pas vraiment de point faible. Tu peux y raisonner avec eux autres, tu peux y jaser. Les One Fist ont aussi un avantage sur les melee attacks against male. Oh, on est tout des bizarres. Shit. Moi, je suis très vite. Peut-être qu'il faudrait penser que je suis. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est tout, moi ça me prend un tour complet, là. Je peux tout seul. On s'entend un OLED, ça me prend pas un tour, c'est un maximum flag. Tu peux avancer ou quelque chose? Je peux pas. Charger mon arbalète, c'est un tour complet. Peux-tu la toucher avec ton arbalète d'aussi loin? Je peux pas. Oh my god. Ok, c'est qui le prochain? C'est Mickaël? Ouais, j'ai déjà avancé. Ok. Est-ce qu'elle m'entend parler si j'ai dit ouais. Bonsoir, Madame Shaw. On voulait pas faire mal au chat. D'ailleurs, j'ai essayé justement d'en flatter un pour qu'on puisse se parler, mais vu que je parle pas chat, ça pas aidé non plus. J'ai essayé de faire de la musique aussi pour essayer de des amadoués pour qu'il y ait personne qui se fasse mal, puis ils ont pas voulu. C'est un jeu de diplomatie. Ouais, c'est diplomatie. Ah, ok. Je suis bon en diplomatie, moi. C'est moi qui pense à ça. J'ai vu que t'as essayé. Lance ton gars. Okay. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est quand même bon. J'ai vu que t'as essayé. C'est très gentil d'avoir essayé de parler au chat. Mais je suis le deuxième test ici. Je suis pas sûr que Corentine va vouloir que je vous laisse passer comme ça. Non, mais ça me rappelle justement une histoire. Non, peut-être qu'elle aime les histoires, je sais pas. Là. Ça me rappelle justement une histoire, là. Ça me voit même. Elle me voit-tu, moi? Mais. Où est-ce que tu voulais en venir avec tout ça? Parce que moi, je la vois parce qu'elle est dans la lumière. Ouais. Elle me voit-tu? Non. Ah, non, attends une minute. Elle voit-tu dans le noir vu que c'est un chat? Ouais, ou c'est juste low light vision? Dark vision. Mais c'est 60 pieds. 60 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. J'ai bien compté. Avec 55, ouais. 60, elle me voit pas. Non, elle me voit pas. Ben, je vais fermer ma gueule. Mais toi, continue à avancer. Non, non, je reste là, je suis dans le noir, elle me voit pas. Moi, je la vois parce qu'elle est dans ton enfant de lumière. Fern, où est-ce que tu viens nous aider à la place? Mais avec mon arbalète, je me rends. Ok. C'est juste que toi, tu la vois, mais elle ne voit pas. Elle me voit pas. Pas d'enfant. Je dis ça, télépathiquement. Tu la vois grâce à moi. Ouais. On aimerait continuer sans nécessairement avoir à faire mal à personne. Puis moi, la raison pour laquelle je passe le test, c'est pour aller sauver ma famille. Puis je pense qu'avec tous les chats que vous avez, vous comprenez c'est quoi le sens de la famille. T'as raison. C'est vrai. Lancer des diplomaties ou deux. Ben moi, il me voit pas. Non, ben lui, d'abord. Genre, je suis bon. J'ai rien dit. Là. Moi, depuis tout à l'heure, je communique avec eux autres, mais télépathiquement. Ah, c'est vrai, on voit ça aussi. 11 plus 1, j'ai 12 de diplomatie. J'ai juste plus 1 de diplomatie, finalement. Pas mis plus que ça, pour. Vous en avez l'air de gentils garçons. Mmh. Oui. On aime les chats. Vous aimez les chats? D'accord. Ah, vous la plaint! Vous vouliez pas faire mal à mes chats, n'est-ce pas? Non. Moi, je les aurais tout flatté un par un. Dis le gars qui a marché sur le premier chat dans la pièce. Ouais, j'ai pas fait exprès. Ma balance avec mon armure, tu sais, c'est difficile. Je me suis vraiment forcé pour pas les accrocher. D'accord. Je vais vous laisser passer. Mmh. Oh. Merci, madame. Merci, madame chat. Allez-y, vous deux. Pis moi! Elle voit pas, elle sait pas quoi. Je le dis, mais je veux plus moi! Elle s'en va où? Elle fait quoi? Elle fait juste vous laisser passer. Mais va falloir que je la contourne. Hein? Non, mais là, vous pouvez continuer. Mais est-ce que je peux continuer de parler ou c'est fini? Ouais, tu peux continuer. Mais pour. Pour. En toute honnêteté, on est trois dans la pièce, je veux juste pas vous faire peur parce qu'il y a un de nos amis qui. Non, mais je l'ai dit, là, je me suis dit, pis moi, elle m'entend. Chance qu'elle voit pas, il a son arbalète. Oui, c'est ça, il est chargé, pis tout, tu vois. Ok, c'est vrai. Attends. Une chance qu'on l'a pas attaqué. Oh. Demandez à votre ami d'approcher un peu. Ok, range mon arbalète. T'as vu ton tour? Là, tu fasses 4 tours, j'avance. Ouais, avance jusqu'à temps que tu la vois. 4 tours. Oh, bonjour. Je suis tout petit, là, je suis inoffensif. Lance à la diplomatie. J'ai quoi diplomatie, j'ai rien. 10. Je vais y aller avec la chance cette fois-ci. Non, mais. Ah, ok, t'es chanceux, 9. Oh my god! T'es vraiment chanceux. Oh, on aurait été pognés là. Bonjour. Salut. D'accord. Vos prédécesseurs étaient vraiment pas gentils. Il y en a un qui a lancé une boule de feu sur mes chats. Non, tu sais, moi, tu sais, j'aime les animaux, là. J'ai une chouette, là. Je dis. Les chouettes. Mais non, mais c'est mon avis. C'est pas le. Arrête de parler. Tu sais, j'aurais amené de la bouffe, là, pis tout. J'aurais aimé ça, mais je. Vous pouvez y aller, allez à l'ascenseur. La prochaine fois qu'on se voit, là, je t'amène. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, manger, à part des chouettes? Des souris. Des souris? La prochaine fois, je t'amène une petite souris. Okay. Tu sais quoi son nom, hein? Son prénom? Non. Moi, c'est Bob. Moi, c'est. Anak. Anak. Anak. Anak Sunamu. Anak Sunamu. Le chat. Vous pouvez y aller, allez aux portes. Fait que là, on fait des points de mouvement. Va avancer jusqu'au port. Là, je dis, je fais une révérence, puis j'ai dit merci, merci Anak, madame. Une petite révérence. Madame, mademoiselle Anak. Merci. J'espère que vos prochains héros et guerriers vont être aussi gentils. Si jamais vous voyez un... Qu'est-ce qu'on a l'air du petit gnome? Rani. J'ai quand même perdu 3 bits. Si jamais vous voyez Rani, vous direz que... Allons ma part. D'accord. J'espère qu'il va être calme et gentil avec mes chats. Ah, c'est pas vrai. Enfin, il était, je l'ai rendu gentil. Ok. Bonne chance pour les prochains étages. Merci. Je couche à terre. Ouais. Ok, vous arrivez à l'ascenseur. Là, ce qui arrive avec Anak, c'est qu'elle se recouche à terre, puis là, elle se sépare en millions de chauffes. Ok, c'est le temps de. On lance un caillou. Ouais, tu lances pas ta boule de feu. Eh non, je suis à la barre, je lance pas de boule de feu. Là, j'en prends mon arbalète, puis je tire. Ok, fait que là, vous faites quoi? S'il te plaît, non. Vous faites quoi? On paye, ben on rentre. Non, mais je tire pour le vrai. On rentre. On voit, bon. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous faites avec la petite lumière? On pèse sur le piton. Okay. Les portes s'ouvrent. On est monté déjà? Non, pas encore. Non, on rentre dans l'ascenseur. Ok, on n'est pas rentré. Ok, non, je pensais qu'on était rentré. On rentre de l'autre côté des portes. Ouais. Là, vous voyez un petit 3. Bon, on pèse sur le 3. Cool. Puis là, juste avant que les portes se ferment, je suis sûr. C'était-tu vraiment ça? Non, ramène comme ça. Les portes se ferment. Au moment que j'allais le faire, les portes finissent de fermer, fait qu'il n'y a pas été assez. Elle reste en danger, genre mobilise. Moi, je pèse sur le bouton pour fermer les portes plus vite, parce que oui, ça ferme les portes. Les portes se ferment. Est-ce que vous appuyez sur le bouton? Je fais un search dans l'ascenseur, voir si c'est pas quelque chose de caché. J'ai 20. Oh! Plus 1, 21, 22. Tu peux déterminer en quoi les murs sont faits. 22. Shit, attends une minute, je vais essayer de trouver quelque chose qui a rapport avec ça. Tu as un item magique pour moi? Tu trouves pas d'item magique, mais ton dieu t'envoie une vision. Oh shit. T'envoie une vision, puis ça dit... Attendez les gars, j'ai une vision! Comment? Ça nous envoie une vision. Pendant qu'il se convulse, il essaie de voler. J'ai dit voler, hein, pas violer. C'est plus tard. C'est trop petit de tout ce que tu vois dans ta vision. Tout ce que tu vois dans la vision, c'est du jaune. Du jaune? C'est tout ce que tu vois. Les gars, je vois du jaune! Jaune de shower! C'est vraiment une grosse lumière jaune. Je pense qu'on va faire un petit seul bouton jaune! Banana split? Tout ce que tu vois. Pipi. Fait que là, on pèse sur le 3, vous montez au troisième étage, vous revenez ici. Les portes s'ouvrent, puis tout ce que vous voyez, c'est des flammes partout. Quoi? Ben, tu sais, il y a comme des chemins à travers les flammes, mais il y a des flammes partout. Puis. J'ai eu, moi aussi. Ce que vous voyez au loin, c'est trois figures, parce que la lumière est intense à cause des feux. Ce que vous voyez au loin, c'est trois figures. Qui veut lancer un spot? Je suis bon dans le spot. Donc, vous pouvez l'envoyer tous les trois. Là. Fait qu'il y a le feu. J'ai 10. 18 plus 4, 22. Ok. Est-ce que Miguel, tu vois absolument. Tu sais pas trop c'est quoi. Ok. Je pense que je suis là. Moi, je me brûle. Ce que tu vois au loin, ça ressemble à des dragons. Oh. Mais c'est pas des dragons. Mais de ce que tu te souviens, ça s'appelle des pseudo-dragons. Il y en a un. Il y a quatre pseudo-dragons dans le fond. Excuse. Ah, c'est petit, putain. C'est des petits dragons, genre. Oh. Ils ont l'air assez violents, tout ça, mais c'est des petits dragons. Il y en a un rouge, un vert, un jaune, puis un blanc. Puis, ils se promènent à travers là, les flammes. Ils sont pas affectés par les flammes. Ah, c'est pas des vraies flammes. Fait que, on va arrêter la partie ici.